Moteur, moteur. C'est beau, une ville qui dort. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Parce qu'on vit la nuit. On peut faire des films avec n'importe quoi, hein. Ils ont transformé mon scénario en film pornographique. Moteur! Allons-y! Moteur! Oh putain, moteur! Eh bien, bonsoir, bonjour, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez. Bienvenue, est-ce qu'on n'accueillerait pas tous ensemble nos auditeurs? Si, bien sûr, bonjour. Avec grand plaisir. Bonjour, mais... bonsoir à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue dans le podcast Intérieur Nuit. Bye le crible maintenant, on a été sponsor. Et on a viré Théophile aussi pour les gens qui écoutaient avant. Sans plus attendre, je vais commencer par me présenter, puis ensuite les invités le feront également. Je sais votre présentateur, Antonin, voilà, et c'est tout. Ce que vous avez besoin de savoir, j'ai une vie très compliquée. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je commence par toi qui est en face de moi. Bien sûr, je n'ai plus de retour dans le casque, mais je vais quand même me présenter. Et là, j'ai du retour. Ah, c'est et le là, câble. J'en ai plus. Et du coup, moi, c'est Arthur et j'ai hâte de parler ce soir avec mes trois autres camarades. Et moi, c'est Philippe et je suis très content d'être là et très hâte de parler avec mes fidèles comparses ce soir de cinéma et bien d'autres choses peut-être. Eh bien, de ma part, je suis ravie également. Je m'appelle Angéline et j'ai hâte qu'on puisse commencer. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on traîne? Peut-être. C'est peut-être ce que je suis en train de comprendre de ce que vous dites. Et donc, tous les quatre, on va pouvoir... Alors, si vous ne connaissez pas le concept d'intérieur, on va le réexpliquer parce que même mes invités ne connaissent pas forcément avant d'enregistrer puisque c'est relativement nouveau, entre guillemets. On va parler d'un genre de film. Et on va essayer d'en écrire un scénario qui se rapproche le plus possible du cliché ultime du film, tout en faisant moult blagues, bien sûr. Le thème de ce soir, c'est quoi? C'est les comédies populaires françaises. Alors quand je dis ça, vous avez forcément un truc qui vient en tête. Est-ce que, je ne sais pas, Arthur, tu peux commencer à dire qu'est-ce qui te vient en tête quand on dit comédie populaire française? J'aurais pensé à Bienvenue chez les Ch'tis, mais finalement, mais finalement c'est peut-être un peu trop simple, donc je dirais La Folie des Grandeurs. Ah, très beau. Alors, ok, je vois ce que tu veux dire. Ça va pas nous aider à faire des clichés de trucs nuls, mais... Effectivement, puisque c'est un très bon film. J'adore ce film. Je tiens à le défendre. Je l'ai vu une dizaine de fois, je pense que j'étais gosse. Très très très bien. À voir si vous ne l'avez pas vu, bien sûr. Et déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans... c'est qu'on n'a pas mis à la même échelle Bienvenue chez les Ch'tis et La Folie des Grandeurs. La Folie des Grandeurs, j'allais dire La Grandeur d'Oeil. Ouais, qui n'est pas exactement le même film. Pas le même style. Ça va nous permettre d'établir ce qu'on va pouvoir écrire tout à l'heure. Hein, de dire qu'il y a plusieurs genres de comédies populaires françaises pour pouvoir essayer d'extraire un peu tous les tropes qui nous font plaisir. Philippe, toi, si je te dis comédie populaire française, alors par exemple, quand on a parlé avant d'enregistrer, qu'est-ce que ça te disait? Alors moi, j'avais à l'esprit immédiatement Christian Clavier qui... Bien qui sûr. Venait, évidemment, hein, notre bon c'est vieux Christian. Et Christian. Satané Christian. Et si on parle aussi de La Folie des Grandeurs, je pense évidemment à Louis de Funès. Hein, bah, tous ces acteurs qui ont su bercer... Ma biche d'ailleurs. Exactement. On parle comme ça en permanence. Et oui. Ouais, il est mort. Mais... tu as cité deux panthéons, on va dire, de la comédie populaire française. C'est ça. Clavier qui va nous permettre aussi de suivre l'évolution de la comédie populaire française à travers les âges. Puisqu'il a sombré en même temps que ce genre de comédie. Est-ce que c'est un peu sa faute? C'est un peu sa faute. On va tenter d'y répondre ce soir. C'est un peu sa faute car c'est le seul du Splendide qui est devenu de droite aussi. Hein, on va pas se mentir. Surtout si on compare à Michel Blanc par exemple. Angéline? Alors si je vous dis potion magique, moustache et menhir, vous pensez à... Christian Clavier encore une fois. Oui, mais Astérix et Obélix, pour moi, c'est typiquement un film de comédie française populaire. Oui. Qui a fait des centaines de milliers d'entrées en France, qui sont toujours encore diffusées majoritairement. Je crois que c'est même des dizaines de millions. Je crois que c'est 20 millions d'entrées. Exactement. Que la Bienvenue chez les Ch'tis d'ailleurs qui est au-dessus en film français. C'est le seul à avoir pu détrôner le grand et le seul et l'unique Christian Clavier. C'est l'équivalent de Avengers. Exactement, c'est les Avengers français. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu aussi un peu plus récemment? Dans un autre style. Dans un autre style encore une fois, mais on reste avec les mêmes idées, les mêmes acteurs, on les mélange et on recommence. Ah, y en a un en commun en tout cas, qui est toujours le même, hein, Christian Keyboard, mais ouais, on va pouvoir voir l'évolution de sa carrière aussi à travers ça. Alors, moi perso, en tout cas, comédie populaire française, je pense tout de suite par le mot populaire, au sens mauvaise qualité du terme. Et c'est sans doute un biais cognitif que j'ai, mais pour moi, populaire, quand on dit populaire, en tout cas dans la culture. Généralement dans les médias qui soient de cinéma ou pas, c'est généralement le truc du peuple, c'est un peu mauvais. Et du coup, pour moi, comédie populaire française, c'est pas les Intouchables, ce genre de truc, c'est vraiment les Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, les trucs bas de gamme, le film dont tu parlais juste avant qu'on commence, de Danny Boone, Rue de l'Humanité. Oui, ouais, c'est ça, Rue de l'Humanité. Ce genre de comédie, parce que c'est en termes de nombre de productions celui qu'on retrouve le plus au cinéma en France en termes de comédie, c'est la comédie à opposition, c'est-à-dire, c'est un nom que je lui ai donné, écoutez, voilà, je suis un peu critique, mais où il y a un riche qui va chez les pauvres, ou l'inverse, où il y a quelqu'un d'une minorité ethnique qui vient dans une majorité ethnique, c'est toujours un truc comme ça, où on met quelqu'un qui n'est pas du même milieu dans un autre, Les Visiteurs, Passé dans le futur, ce genre de truc, futur dans le passé, avec le 3, je crois, enfin, j'ai pas regardé. Mais ce genre de truc, pour moi, comédie populaire française, c'est un peu dégradant comme terme. Alors que normalement, la comédie populaire française, c'est quand même de Funès qui a inspiré je sais pas combien d'acteurs dans le monde. Si je peux rebondir sur ce que tu disais. Bien sûr, c'est fait pour. Rebondis avec plaisir. Après, quand tu parles de comédie populaire, tu parles des Visiteurs, tu parlais aussi de. Tu en parlais implicitement, mais de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec une personne qui est étrangère, qui arrive dans un cadre comme à Chinon, etc. Enfin, donc, ouais. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Je ne sais pas si on peut mettre les deux sur le même pied, sachant que les Visiteurs, c'est quand même. En tout cas, moi, l'image que tu as de populaire est peut-être celle-ci, et malheureusement. Je sais pas si c'est la bonne. Ah, mais justement, je dis que c'est ce qui me fait penser implicitement. On me dit comédie populaire, même film populaire en général. Je pense tout de suite à c'est fait pour plaire, tu vois. Je vois. Alors que Mission Cléopâtre, qui est un de mes films préférés, comme beaucoup de gens qui l'ont vu. Hein, Comment ne pas l'aimer. D'ailleurs, ceux qui disent les répliques pour dire bonjour, c'est arrêté. Hein, c'est comme les fans de Kaamelott. C'est très bien, mais au bout d'un moment, c'est saoulant. Mais en soi, c'est ça la comédie populaire aussi. Mais ça me fait aussi plus marrer de penser à l'aspect nul, genre papa ou maman, ce genre de truc. Parce que j'ai plein d'affiches en tête, j'ai pas les titres exacts en tête, mais plein d'affiches et de concepts où c'est le film au ton léger fait pour vendre des places français. Parce que c'est quand même une spécialité française de faire ce genre de film. Aux États-Unis, ils ont un peu plus la main légère sur les films comme ça. Et même en autre part en Europe ou en Afrique ou en Amérique du Sud, c'est oui, mais justement, si je peux me permettre, je trouve que ça transmet bien en fait l'espèce d'importance qu'a l'humour en France par rapport justement aux États-Unis. On a quand même une richesse en termes de langage, mais aussi d'utilisation de l'humour dans différentes situations, que ce soit le pastiche, que ce soit l'humour, l'ironie, l'humour noir, etc. On en a fait quand même souvent usage, ça a quand même beaucoup servi en France. Et en fait, par la notion de populaire, moi, j'entends juste de masse. C'est-à-dire que par populaire, ce n'est pas un film prétentieux qui va se prétendre être uniquement pour des connaisseurs ou, comme on peut dire, des films de niche et d'auteurs. C'est des films auxquels on peut emmener des enfants avec nous. C'est des films familiaux. Pour moi, populaire veut juste simplement dire divertissant et familiaux. Et je pense que, justement, un petit peu la valence négative qu'on apporte à populaire, c'est parce que dans l'art, on a tendance à croire que plus c'est intelligent, plus ça fait réfléchir, moins ça va être accessible et donc plus ça va être de la qualité, à tort, je pense. Ouais, c'est le principe de l'art contemporain. Hein. Exactement. Alors, avec tout le respect que j'ai pour les artistes contemporains, bien sûr, souvent, quand il n'y a pas de concept, c'est le concept et voilà, ce genre de truc. C'est un peu l'inverse du populaire c'est ça, j'aime bien c'est vraiment fait pour n'importe qui peut le regarder, c'est facile d'accès, t'as pas besoin de contexte en fait, tu vois le film, tout est dedans. Puis ça fait du bien aussi, tout simplement. Enfin, oui, je pense que il faut différencier les feel good des comédies. Je suis d'accord, avec vous, mais moi je suis désolé, quand j'ai vu Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ça m'a pas fait du bien. Mais c'est un avis personnel, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut différencier. Mais je pense que voilà, tu vas voir un film, je sais pas, là j'en ai pas un qui... Si par exemple tu vas au cinéma, je compare deux trucs incomparables, mais tu vas voir Shutter Island, tu ressors, tu te dis mais attends, comment ça s'est passé, etc. Alors imagine dans ta vie, t'es déjà pas bien, tu vas voir Shutter Island, tu fais du mal, tu vois. Alors si tu vas voir Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, certes tu te dis putain les clichés, mais tu te dis en même temps... Ah bah en fait ma vie elle est plutôt cool, enfin tu vois, ça permet aussi de, mais tu te dis aussi que voilà, il y a des stéréotypes qui sont là et qu'ils sont affichés, bah qui sont clairement affichés quoi. Alors, et ils sont mal affichés. Plus mal après qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu que Shutter Island. Effectivement. Moi j'étais en mode mais comment ça s'est passé, à la fin est-ce qu'il est fou, on sait pas. Ouais, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ouais, tu te poses beaucoup de questions. Est-ce quoi. Que est-ce que tu t'endors, tu te dis punaise. Est-ce que tous ces fioles sont dans sa tête, on sait pas. Fiole, est-ce que c'est le bon mot? Non, beau-fils. Oui, beau-fils. Oui. Oui, ça fait longtemps. Hein. Et oui, non, mais oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs, termes, enfin plusieurs aspects au mot populaire qui sont intéressants à analyser. Mais moi, après, quand je disais l'absence de qualité, c'est parce que c'est le truc vraiment, on dit, ah, c'est un film. Populaire, pour moi le mot il est utilisé comme ça en tout cas maintenant. Mais là où t'as raison, c'est qu'il y a peut-être une absence de qualité dans le sens où ce sont les films les plus produits chaque année en France. Donc tu perds de la qualité quand tu en fais en nombre. Je veux dire, Intouchable, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un film qui pouvait arriver en tout cas à la cheville. Je suis pas sûr qu'on en reverra parce que en fait le problème c'est que quand t'as des exemples comme ça, t'as toujours des copycats qui veulent faire pareil. Et du coup, on sait ce qui fait faire des entrées. Et malheureusement, du coup, les producteurs, bien que la production est un aspect important dans le cinéma, etc., son but premier, c'est quand même de rentabiliser. Et du coup, tu as moins d'audace, d'originalité. C'est possible pour ça. Ça n'a rien à voir avec les comédies de françaises. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de films de, comment dire, des deux, des suites, des reboots, des trucs des années 80-90. C'est parce qu'on sait que ça va faire des entrées. Et du coup, on se dit pourquoi créer un truc original ou avec une mise en scène originale ou un truc comme ça. Parce que c'est une grosse prise de risque. Oui. Et on en voit beaucoup moins depuis le début des années 2010. C'est sûr. Et pareil dans les comédies. Enfin, je suis désolé, les comédies populaires françaises, depuis Mission Cléopâtre, on n'a pas vu des trucs comme ça. On n'a pas vu des comédies déjà à gros budget. On n'a jamais vu des comédies avec autant un cast d'ensemble énorme. Le peu de films comme ça qu'il y a, c'est des trucs américains. Les films avec plein de stars dedans, c'est pas des comédies quoi. Non, parce que justement aussi, je pense qu'en France, on n'a plus cette catégorisation des acteurs. Donc il y a les acteurs sérieux et les acteurs pas sérieux. Mmh. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on a un peu le running gag de Christian Clavier qui joue beaucoup, beaucoup dans les comédies populaires et françaises. Et quand il dit non, c'est Didier Bourdon qui va. Oui, exactement. C'est littéralement. Il se passe le relais. C'est vraiment ça. Donc je pense qu'il y a aussi ce problème-là, c'est-à-dire qu'on a souvent les mêmes acteurs, donc plus de l'ancienne génération avec Admira, Danny Boone et Christian Clavier. Et on a Philippe Lachaud avec les Babysitters, etc., qui arrive un peu avec... Babysitter, pareil. Épouse-moi mon pote. Hein. Exactement. Voilà, un film de Tarek Boudali. Mais... Babysitter qui était quand même... un gros budget qui a plutôt bien marché avec un cast d'ensemble et tout. Ouais, mais c'est pareil à 2011 je crois, tu vois, c'est ça date, hein. Non, bien prendre plus récent un coup de vieux, que ça, il me semble 2014 peut-être, ouais, 2013 bon. Peut-être un truc comme dans ça dans ces eaux là ouais, mais c'est un film, tu vois. Moi, par exemple, tu cites Cadmerade, je dis Cadmerade, il joue souvent dans des films comme ça parce que je pense qu'il faut payer les impôts aussi. Mais il a quand même fait, moi, sans doute mon film français de comédie préféré après Cléopâtre ou à égalité, qui est Mais qui a tué Pamela Rose, et même Mais qui a retué Pamela Rose, déjà le titre est très drôle, et qui est la suite qui a fait genre 10 fois moins d'entrées littéralement, parce que c'était la même veine que le 1, qui est un humour très absurde, très premier degré, un peu Monty Python en soi, quand tu devrais comparer avec un truc qui se fait ailleurs. Et pourtant, c'était juste pas le même contexte de sortie. Le 2 est meilleur que le 1, et pourtant il a fait genre deux fois moins d'entrées quoi. Ouais. Il a fait moins de 500 000, je crois. Donc c'était un bide absolu, alors qu'ils ont mis des moyens à Cadmerade quand même. Y a même plein d'autres acteurs qui sont hyper bons. En fait, c'est juste. En ce moment, la comédie populaire française, c'est celle qui fait de l'argent. Mm. Alors qu'avant, c'était celle qui faisait. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il n'y en avait pas autant. Et du coup, il y avait peut-être plus de moyens mis dedans. Oui, donc plus de qualité. Aussi. plus de temps, je pense aussi. Mais du coup, le problème, c'est ce que tu disais de manière très implicite, mais que voilà, ils se concentrent sur des têtes d'affiche comme Kadmerad, qui a fait Bienvenue chez les Ch'tis et qui a été un carton, tout simplement. Et je pense que depuis, bah, on se dit, ok, on va choisir Kadmerad, c'est sûr, on va faire autant. Et en fait, les scénarios ne sont pas travaillés. Même si on peut ne pas aimer Bienvenue chez les Ch'tis, en soi, c'est quelque chose qui, bah déjà, qui a donné. Voilà, ils sont allés dans les stéréotypes du Nord, etc. Concrètement, on ne peut pas faire plus. Non, mais on peut pas. C'est plus que des stéréotypes, quand même. On ne peut pas faire plus, mais c'est un film qui a marché et c'est un film qui. Moi, pour le coup, on peut ne pas aimer Bienvenue chez les Ch'tis. Moi, je le regarde maintenant. Moi, j'ai trouvé. Je trouve ça très marrant. Et pourtant, ils vont dans les stéréotypes. Mais je peux. Enfin, typiquement, comparer Qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu, et Bienvenue chez les Ch'tis, c'est deux films. Alors certes, c'est de la comédie, enfin on peut dire comédie populaire française, mais c'est pas le même registre, quoi. C'est le oui. truc est plus travaillé. Et puis surtout qu'ils en ont fait un, ils en ont pas fait deux, trois à la suite comme a fait Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quoi. Ouais, je crois que c'est vrai. Les tuches. Comment on pouvait ne pas parler des tuches. Évidemment, les tuches. Enfin, voilà, un film qui a fait quand même des millions et des millions d'entrées. Tout le temps, tous les films fou. Font des millions. On en est au combienième maintenant, 8e. C'est le 4. Je crois que c'est le 4. Et je crois qu'il bide un peu. Le 4, c'est hein. pas plus mal. Ouais. Ce serait-ce la faute de Spider-Man ? Possible. Peut-être. mais ou peut-être pas. Peut-être il serait sorti n'importe quel jour et il aurait bidé. Enfin, bidé par rapport aux autres. Mais ouais, les tuches, entre guillemets, le sujet, les tuches, c'est un peu. Le truc, c'est maintenant la comédie. Enfin, c'est un peu le calque parfait de ce qui est devenu la comédie populaire française avec le temps. C'est, perso, le 1, je l'avais bien aimé. Parce qu'il y avait cet aspect Bienvenue chez les Ch'tis, un peu cliché mais touchant, etc. Le 2, c'est n'importe quoi. Ils ont dit on va mettre les potards à 11 et c'est tout. Ils n'ont pas réfléchi à comment on pourrait évoluer un personnage, quel arc il pourrait avoir notre personnage. Pas du tout. Ils ont juste dit c'est marrant quand ils font des frites, on va faire ça pendant une année. Les gars, c'est pas. Bon. C'est pas mon truc en tout cas, mais le 1 avait ce truc, c'est toujours ça, c'est toujours les premiers films, parce qu'on se dit pas forcément on va faire 5 films les tuches quand tu sors le premier. Tu te dis c'est une histoire touchante, en plus à la fin ils ont tout reperdu, l'argent il me semble, spoiler les tuches 1. ils ont investi en fait, c'est le petit Donald qui a ah, ils a ont doublé la mise. Exactement, voilà, il ça. A investi dans des fonds... pétrolier ou je sais pas quoi. D'ailleurs, ce n'est pas très pour le coup, c'est pas formidable hein, comme manière d'investir, mais après on passera là-dessus. C'est toujours rentable. Hein. Mais c'est toujours rentable. Pas très écolo pour le coup. Ouais, bon après les tuches je pense niveau valeur, ils sont oui, pas je pense ils que sont pas l'objectif. Foulés, hein. Mais c'est vrai que le 1 pour le coup, je te rejoins, qui était certes ultra cliché mais touchant et nouveau concept, voilà, enfin c'était quelque chose d'intéressant et il est assez marrant, mais c'est vrai que 2-3, voilà, on le part. Le 3, il est président de la République, hein. C'est vrai. Ah, ouais. Là on est. Alors peut-être on peut passer dans le penchant la critique sociale de la comédie populaire française. Oui. Mais ayant vu la bande-annonce, moi je pense pas que c'est l'option qu'ils aient choisie. Mais du coup. Après avoir parlé de tout ce genre de film et de un peu de cette nuance à apporter sur le mot populaire, en plus de la nuance à apporter sur le mot comédie et peut-être même sur le mot français, qu'est-ce que vous isoleriez, vous, comme truc récurrent dans les films populaires français ? Alors, on va se baser sur les films récents. On va pas se baser sur La Grande Vadrouille ou... Est-ce que Les Bronzés, c'est récent ? Non. Les Bronzés 3, techniquement, c'est récent. Oui. Qui était un bide d'ailleurs, oui. Contrairement au premier et au deuxième qui étaient plutôt pas mal. Ah oui, succès mérité. Ah pour bah les Bronzés 3, je crois que même Michel Blanc il a dit désolé les gars. C'est le coup des cheveux ça. Ouais. Mais j'ai pas vu, j'ai vu aucun des Bronzés. Non, j'ai vu le 1 je crois, mais je me souviens même plus du film. Ça ne va pas du tout. Je sais, bah écoute, je te passe le truc de présentateur. Non mais oui... peut-être à les années 90, on va dire, à partir des années 90, donc c'est bon, Les Bronzés. Parce qu'on commence à rentrer dans l'âge d'or de la comédie populaire française. Je pense que c'est un peu Les Bronzés qui a lancé aussi toute cette vague de production comédie. Parce qu'avant, il y en avait, mais... Pour moi, ça remonte quand même plus au Louis de Funès. Et, ouais. Louis de Funès, il y avait grave du budget sur ses films. Il y avait, mais... Il y en avait oui, mais ça n'empêche que ça a quand même fait ça a quand même fait sensation et ça a marché auprès de tous les publics. Oui, mais à part Louis de Funès, est-ce qu'il y avait d'autres gens qui faisaient de la comédie ? Beaucoup de comédie. Coluche. Je ouais, pense mais à Coluche, mais c'était à la télé. Coluche, ouais. C'était 20 ans après. Il est arrivé, ouais, bien 10-15 ans après, Louis de Funès. Ouais. Après avoir fait son ciao pantin, hein, ouais. Une expression maintenant. Ouais. Mais non, Louis de Funès, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, à l'époque, il n'y avait genre que Louis de Funès qui faisait des entrées. Alors que maintenant, le concept de comédie populaire française fait des entrées, tu vois. Mm. Oui. Et je pense que c'est depuis Les Bronzés où ils se sont dit, franchement, hey, c'est pas mal. Hein. Parce qu'en plus, Les Bronzés, c'est un truc qui devrait pas marcher au niveau scénario, c'est qu'il n'y a pas d'intrigue. Quand t'écris la base d'un scénario à l'école, on t'apprend ça, c'est que il faut pas forcément une structure en trois actes ou quoi, mais t'as une intrigue, des péripéties, enfin le comment dire, un minimum de suspense ou de tension. Ouais, le putain que j'ai plus le nom en tête, mais c'est le la marche du héros, enfin le truc comme ça, le monomythe, voilà. On te dit il y a un but, un personnage principal, des obstacles et tout. Il y a rien de tout ça dans les bronzés et ça marche. Et c'est trop bien. Et pourquoi ? Mais parce que maintenant on est dans une sorte de comédie populaire française avec, enfin, deux personnages. Qu'est-ce qu'on a fait au monde de c'est ça. Il y a pas d'intrigue, hein, c'est du personnage, c'est de la réplique. Et ça date de Louis de Funès aussi, mais les bronzés ont fait que maintenant l'intrigue on s'en foutait parce que dans les de Funès et même dans les Gabins, trucs comme ça, il y avait énormément de dialogues, tout ça. C'était très l'humour français, mais il y avait une intrigue. Enfin, il y avait toujours un contexte derrière qui était plus grand que les personnages, alors que maintenant les personnages c'est le contexte, je trouve. Et je trouve que c'est Les Bronzés qui a lancé ça, donc on peut peut-être commencer par Les Bronzés en vrai, en tant que point de départ de nos tropes, on va dire. Parce qu'avant c'était en plus le milieu du cinéma n'était pas le même non plus. Voilà. Je sais pas si vous avez des trucs à isoler dans les comédies populaires françaises à partir des Bronzés. Non, mais je dirais que déjà globalement, ça se base sur souvent les comédies. Voilà, celles qu'on a citées, c'est un groupe d'amis ou en tout cas plusieurs personnes. C'est pas une seule personne qui va y arriver toute seule, etc. C'est vraiment un groupe d'amis avec chacune, chaque personnage ou chaque personne a ses caractéristiques. C'est ça, ouais. Et en opposition avec les autres. C'est ça, il y a un ronchon, un qui a. Plein de thunes, l'autre qui est pauvre. Enfin voilà, je pense qu'ils essayent de dresser un portrait de la société dans chacune des comédies. Et plus récemment avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui pour le coup traite mal de la chose. Mais Les Bronzés, c'était essayer de faire ça. Mais il y avait ça. Je pense qu'il y avait quand même cette intention-là dans Qu'est-ce qu'on a... pour ne pas non plus que cracher sur ce bien film. Sûr, bien sûr, il y avait cette intention. C'est pas pour rien qu'il a fait autant d'entrées. Aussi parce que c'est un peu raciste. Et que ça marche toujours un petit peu, mais comment dire, le but, je pense, inconscient, c'était de dresser un portrait justement de ces vieux blancs racistes qui sont opposés au changement, et aussi de mettre les potards à 11, je répète encore cette expression, mais j'adore, sur les minorités. Enfin, il y a un Asiat, un Noir, un Juif, je crois. Ouais, c'est ça. Et un quatrième. Et un Arabe. Et un Arabe. Et de mettre. On dirait le début d'une mauvaise blague. Ouais. Bah, c'est le début du film, mais c'est une mauvaise blague. mais de tout mettre, toutes les idées qu'on a reçues sur eux, de toutes les mettre à 11 et en fait de se rendre compte, enfin, dans mon souvenir, de se rendre compte qu'en vrai ils sont pas tant comme ces idées reçues là dans la vraie vie. C'est que c'est surtout quand ils sont avec les beaux-parents ou je sais pas quoi. Bah, j'ai pas suivi ceux d'après non plus. Ah, j'ai vu que le premier. Et en fait, ce qui est formidable, c'est qu'ils sont absolument tous racistes dans ce film. Que ce soit les parents, que les maris. Enfin, mais du coup, c'est un peu que genre tout le monde est raciste. Du coup, ça s'annule. Exactement. Non, ça marche pas comme ça. À la fin, ils sont tous racistes, mais ils sont contents. ça marche pas comme ça. Mais ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la comédie de personnage maintenant. C'est l'intrigue. Ça va pas faciliter notre tâche quand on va écrire le scénario. C'est vrai. Mais absolument pas. Non. C'est de la situation, c'est du personnage, c'est du dialogue. Ça marche aussi beaucoup par tandem. Enfin, je pense plutôt des vieux films, enfin des films des années 80 comme ceux avec Depardieu et Pierre Richard, type La Chèvre. Bah oui, bien sûr. Et Astérix et Obélix. Astérix et Obélix et Le Dîner de Cons, évidemment. Hein. Le Dîner de Cons. C'est entre deux et six personnages principaux. C'est ça, ouais. Il leur arrive plein de trucs avec des trucs autour d'eux. C'est ça, des groupes d'amis, ouais, exactement. Des groupes d'amis, il va leur arriver plein de situations un peu loufoques, ou alors un tandem qui sont complètement opposés. Bah, Dîner de Cons, par exemple. Ouais, puis même Bienvenue du CHT. Bienvenue du CHT, voilà. Il arrive tout seul pour intégrer un groupe en soi. Ouais. Même quand il y a une exception, il finit par retomber dans la règle. Pour c'est moi, ça. Si on peut faire une typologie, il y a vraiment différents types du coup, de classification de personnages. Donc, tu as le couple en séparation ou nous, je pense au film là, au nom du volcan. Là, le... Oui, et Jaffa Jolker. Exactement. Ah, on a la famille aussi, parce que dans comédie familiale, qui dit comédie familiale dit famille. Il y en a un de Philippe Lachaud qui est sorti récemment avec une. C'était l'histoire d'une famille qui partait en vacances. Batman. Exactement, merci beaucoup. Non, et on a. C'est celui qui vient de sortir. Ah, une famille qui... Attends, qui part en vacances ? Oui, il me semble qu'il y a une histoire de voyage. Oh, j'ai pas. C'est pas quand il y a Baby Sting 2. Ah oui, oui, c'est ça. Baby Sting 2. Brésil, il me semble. Ouais. Oui, c'est Costa Rica, Costa Rica, il me semble peut-être. Un des deux, une destination en Amérique parce du Sud. Il y a le drapeau du Brésil. Pardon. Il y a le drapeau du Brésil sur l'affiche. Ouais. Oui. Et aussi, bah, d'ailleurs, dans les salles actuellement, il y a le test avec Alexandra Lamy. Donc, c'est pareil, c'est une mère de famille. C'est quelqu'un qui s'aperçoit qu'il a le Covid. Donc c'est exactement, positive. Très c'est très chiant parce que du coup... Et je trouve aussi, en termes de figure de femme, je trouve que souvent l'humour repose souvent aussi sur la figure de la femme, donc la figure de la mère de famille complètement dépassée, etc., par les événements qui se retrouve un petit peu à subir sa vie de famille plus qu'autre chose. C'est, je trouve que c'est une thématique et un stéréotype qui est extrêmement récurrent chez les femmes, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont développés dans les films. Ah oui, c'est surtout des bandes de potes, mec. Hein, ouais. Oui, forcément. Voilà. Mais je pense que oui, il y a un peu ces trois typologies-là. Donc, tu as le couple, la famille et le groupe de potes. Oui, c'est toujours ça. C'est souvent ça. C'est souvent ça. Globalement. Puis souvent, mais souvent il y en a qui s'imbriquent les uns dans les autres. Je pense à. Alors, c'est pas une comédie populaire, entre guillemets, mais c'est un film au ton un peu léger, je pense, si je me rappelle bien. Les petits mouchoirs où t'as tous ces groupes-là. C'est un petit peu. Comédie dramatique. Oui, voilà. Oui. C'est... Bon, ok, j'abuse un peu sur le terme comédie, mais. Pendant trois quarts du film, après que Dujardin soit allé à l'hôpital. Quand on retrouve les potes, c'est un peu ce genre de truc. Oui. Enfin, en tout cas, les personnages, c'est peut-être pas un ton comédien. Ouais, mais t'as raison, c'est exactement t'as le couple, ça. C'est la famille et tout. Et le mec, ouais, c'est ça, le mec qui est blindé, l'autre qui est fauché, l'autre qui est en dépression. Voilà, c'est montrer un panel de la société, mais à chaque fois, ça. Puis à chaque fois, c'est une fin heureuse aussi. C'est ça qu'il faut noter, c'est qu'à chaque fois, la comédie populaire française, c'est. Il se passe plein de trucs, mais à la fin, tout le monde est content, tout le monde s'embrasse. Exactement. Et puis voilà quoi. C'est un moyen, je pense, aussi de relâcher la tension. C'est-à-dire que même si effectivement on se base beaucoup sur les personnages, il y a quand même une forme de tension qui se crée. Il y a un enjeu au fur et à mesure qui évolue au milieu du film. Par exemple, pour Danny Boone dans Bienvenue chez les Ch'tis, est-ce qu'il va rester là-bas ? Est-ce qu'il va tenir le coup ? Et à la fin, effectivement, la fin heureuse, je pense qu'elle est inéluctable dans les comédies, parce que sinon, en fait, ce serait pas drôle si le héros ou l'héroïne était malheureux. Il y a des films au ton très léger qui se finissent un peu de manière... J'en ai un en tête, mais ce serait du spoil de le dire. Mais un film où il y a beaucoup de danse. Mais ce genre de film où il y a, comment dire, un peu de ton léger. Enfin, le ton est léger. Et quand même, à la fin, on te rappelle un petit peu que c'est une comédie dramatique. Mais ils apprennent à vivre avec ou je sais pas quoi. Il y a souvent ce... Il y a un peu ce ton... sucré-salé, on va dire, entre la comédie et le drame, qui se mêle quand même vachement. Parce que même s'il y a très très souvent des blagues, il y a toujours un moment où on se questionne sur la vie, on se questionne sur ce qu'on veut faire et tout. Intouchable, ouais. Typiquement. Intouchable, typiquement, ouais. Oui, bah, son intouchable, c'est que ça. C'est que du chaud-froid, on va dire, entre les deux tons, on va dire. C'est ça, mais je pense que ça marche aussi beaucoup par contraste. C'est-à-dire que plus une personne est malheureuse et plus justement on va le mettre dans une situation qui va être rigolote. Je pense aussi au film avec Virginie Efira et Jean Dujardin, où lui, il joue un homme de petite taille et elle une femme très grande. Oui. C'est à la justement... hauteur, c'est ça Oui, c'est ça. Beau jeu de mots. Exactement. On soulignera la qualité du jeu de mots, mais effectivement, ça repose... Ils avaient un concept et un titre, hein, c'est tout. C'est ça. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. À je part, et j'avais Jokul, ils n'avaient pas de titre. Juste le concept. Ils avaient juste un meuble Ikea, je crois. Ils avaient un nom de volcan islandais qui a paralysé les avions pendant deux semaines et c'est tout. Oui, exact. Ouais, c'est une bonne vanne. Pas tant que ça. Mais je pense que oui, si on peut résumer, je pense que l'humour français de manière générale repose beaucoup sur une forme de dualité. Par exemple, il y a, je crois que c'est un film où c'est l'un dans l'autre, où c'est justement deux amants qui, par la magie du sort, se retrouvent dans le corps l'un de l'autre. Ah, c'est pour un le peu coup. Comme Your Name. Exactement. Okay. Et justement, ça se développe tout autour de ça. Donc, je pense que l'humour français, en fait, c'est purement une dualité. Donc, par exemple, Danny Boone, je crois qu'il est parisien. Dans. J'avais fait le film du volcan. Non, Danny Boone. C'est aussi le second titre. Ils en ont fait beaucoup des films. Danny Boone dans. On en a parlé dans Bienvenue chez les Ch'tis. Ah oui. C'est vraiment bah, pareil. Il est du nord. Et c'est Cadmerat qui est du sud. Ouais. Et qui oui, c'est ça. Et j'ai c'est nord-sud. C'est ça. Ah oui, oui. Bah, il est Ch'tis finalement. Oui. Oui, j'avais confondu. Mais oui, je pense que l'humour français repose beaucoup sur le contraste et la dualité, justement. Oui. Ouais. Mais c'est que sur les personnages, en tout cas. C'est oui. Ça. C'est pas exactement comme l'humour anglais. Si on peut parler un peu de. Même si c'est pas le sujet, pour point de comparaison. L'humour anglais, c'est un peu le mélange entre du slapstick et du cynisme, où c'est vraiment de la critique sociale à balle, vraiment, en tout cas dans les comédies populaires, hein, puisqu'on parle des comédies populaires, comme les Monty Python, ce genre de trucs, c'est pas exactement la même chose que ce qu'on avait à la télé, nous, au même moment, c'est-à-dire les nuls, des inconnus, etc. C'était pas exactement le même genre d'humour. Et pareil, la comédie américaine, parce que c'est souvent les trois grands pontifs de la comédie, les Américains, les Anglais et les Français, c'est ceux qui produisent le plus de comédies. C'est le plus de films aussi. Ouais. Il y a le plus de thunes aussi. Oui. Coïncidence, sans doute. Oui, surtout les États-Unis. Mais en termes de comédie, ils sont plus frileux. Ouais, mais pour le coup, mais tu vois, c'est pas le même humour, surtout. Mais oui, surtout que les Américains, ils vont dépenser un fric monstre et finalement, ça va faire le même résultat qu'un film français où tu vas dépenser un peu moins. Oui, et surtout ça va être dans puis surtout leur humour c'est surtout à base de gros canons, de gros explosifs et puis et puis tout le monde est content quoi. Oui, ou de tromperie, ça marche bien aussi la tromperie. C'est plus souvent autour du sexe qu'en France et pourtant on a oui. Ah ça c'est vrai, je suis français, je vis en France, on adore le sexe en France, on va pas se mentir, mais on n'en parle pas dans les films, mais on évite alors qu'aux États-Unis malgré leur puritanisme ils adorent le sexe, vraiment. Je pense à sexe entre amis notamment. Ils sont beaucoup plus prudes. Sexe entre amis, sexe friend, tout ce genre de. Bon, après, c'est des comédies romantiques. Mais après, si tu regardes les films de Gaspard Noé. Ouais, mais c'est pas des comédies. Oui, c'est Mais Love, pour le coup, à côté, sexe entre amis, c'est du pipi de chat, si je peux me permettre. C'est un peu de sexe dans Love. Mais je vois pas la comédie dans Love, malheureusement. Ah non, il y a aucune comédie là. Ça m'a pas fait très. Ah non, ça te fait pas rire, non. J'étais hilar, personnellement. Entendez que moi dans la salle. J'étais seul. Mais on traite pas du coup le sexe à travers la comédie, ou du moins ce sont des scènes. Oui, justement, on va en parler, mais ouais, c'est ça. C'est rare, ouais. On ne parle pas trop, alors que 40 ans toujours puceau, ce genre de truc. Ouais. En mode, le sexe est quand même un peu important. D'ailleurs, Steve Carell, big up. Je sais que tu nous écoutes, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Mais voilà, ce genre de truc où. Alors que, en tout cas, dans la comédie populaire, 40 ans toujours plus tôt, c'est les mêmes formats que la comédie populaire française, entre guillemets. Mais ça parle. Enfin, le sujet central, c'est le cul. Je pense à. Comment tuer son boss aussi. Où t'as quand même un gros aspect. Enfin, on a l'impression que les Américains sont encore plus entre guillemets beaufs que nous, alors qu'on est quand même l'inventeur du terme. Alors que en plus nous les blagues graveleuses etc. Enfin, c'est quand même un truc grave ancré dans la culture française de il y a longtemps, on va dire. Mais et pourtant ça a jamais été un truc essentiel dans les comédies. Non, parce que je pense que justement dans la comédie, on entend quelque chose de populaire et donc de familial. Et oui. En France, on est encore un peu frileux à l'idée de parler de sexe devant des enfants, même si c'est pour rigoler, parce que ça gêne en France. Ou alors justement, ça gêne, on fait moins. Des blagues sur le fait de pas en parler. Exactement. Ouais. On va faire des blagues, on va faire des allusions, on va utiliser par exemple la banane ou quoi que ce soit, mais on va pas en parler de manière frontale, alors qu'aux États-Unis. Ils rentrent dans le tunnel. Exactement. Aux États-Unis, ils osent, en fait. Ils n'ont pas peur d'être frontal là-dessus, malgré justement un peu la retenue et le conservatisme autour des relations sexuelles. Petit aparté, je pense que c'est lié. Hein. Je pense que c'est parce qu'il y a un puritanisme à outrance que du coup, ils se disent « Ah ouais, on va parler de cul. » Alors que nous, en vrai, il n'y a pas trop de tabou sur le cul, mais du coup, on se dit « on s'en fout. » Je suis pas d'accord. Non, je pense qu'il y en a encore beaucoup. Il y en a il y en a moins qu'aux États-Unis. Ou même qu'en Angleterre, mais c'est peut-être dans les médias ou dans la culture populaire. On en parle beaucoup moins dans les films. On a de la chance, nous, d'être dans des cercles aussi peut-être privilégiés où on a le sans doute. Droit, on peut en parler, voilà. Mais je pense que c'est encore tabou. Mais malheureusement, c'est dans les comédies, c'est maltraité ou en tout cas, c'est ouais, comme tu disais traité avec des petites blagues ou alors c'est des homophobes ou transphobes ou quoi que ce soit, hein, c'est... Oui bah là là-dessus ils se lâchent, ils ont pas peur. Mais moi je pense à Friends notamment, bon on s'éloigne un peu de la comédie française mais c'est vrai que les seules blagues justement qui sont faites sur les relations sexuelles, c'est les relations sexuelles justement de l'ex de Ross et sa nouvelle compagne. Oui. C'est les seules. Oui, surtout qu'ils disent pas le sexe, ils disent la chose. Exactement. On dirait vraiment qu'ils se censurent. Enfin, après, ils se moquent un peu de la censure aussi parce que je crois que t'avais pas trop le droit d'en parler. Et du coup, ils faisaient un peu comme ils pouvaient, mais c'est vrai que c'est effectivement les seules vannes. Pour en revenir à la comédie populaire française, donc on a des personnages, on a des situations qui font que les personnages s'opposent. Du coup, on a l'humour réside vachement dans le dialogue. C'est pas trop slapstick, pas trop l'humour de visuel. Un à la Edgar Wright ou un truc comme ça, c'est plus l'humour de comique de situation. Ouais, situation, ouais. Dialogue. Dialogue, ouais. C'est surtout du dialogue, au diar, ce genre de truc. On a une passion pour le dialogue en France, en tout. Que ce soit comédie ou drame, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On adore lancer des punchlines, je pense. Voilà. Ah bah Gabin, sa vie c'était ça, toute sa carrière c'était lancer des punchlines. Et je pense que c'est un peu formaté les acteurs qui s'enlèvent après. Le contraste, voilà, c'est les personnages, les situations, le contraste, et c'est tout. Enfin, c'est déjà c'est déjà pas mal mais... le champ libre, ouais. En tout cas pour mais nous, oui c'est un peu métier. Ça quoi c'est et puis après le comme tu disais tu parlais du comique lié à la parole, au punchline, aux échanges, à la différence des films d'Audiard ou enfin des films, des comédies d'avant, c'est que il y a plus le scénario, comme tu disais, c'est plus assez travaillé, c'est vraiment on fout un tel dans une pièce. On voit ce qui devrait arriver. Exactement. Voilà. Ils s'engueulent. après, ils se rabibochent. Et puis après, tout le monde est content, quoi. Bah, c'est ça. Hein. Donc, ça fait longtemps, oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que, et pour être tout à fait honnête, c'est que les comédies françaises, voilà. Moi, je vais plus au cinéma pour aller les voir. Parce que payer pour voir à chaque fois la même chose, juste avec des acteurs différents et une histoire qui est différente, mais finalement... Voilà, comme tu parlais de tropes, c'est ça ? Ouais, oui. Les tropes, c'est les clichés, trop, mais les genre clichés. Sans la connotation mauvaise des clichés. Genre c'est ça, les tropes, c'est un petit peu les stéréotypes cinématographiques. C'est des choses qui reviennent régulièrement. C'est un peu des schémas cinématographiques réguliers. En plus d'être une très belle ville balnéaire. Merci pour les mots. Ouais, bah écoute. Donc ouais, c'est ça, c'est payer à chaque fois pour aller voir des films qui se ressemblent par rapport à leur schéma. Il n'y a plus forcément d'intérêt, on n'attend plus... on n'attend plus autant peut-être la comédie pareil. Mais on voit qu'elle marche toujours, parce que si on peut comparer une dernière comédie qui est sortie, dont on n'a pas parlé, Les Baudins, qui a marché dans toute la France. Et pour le coup, là, je fais la critique de Paris, alors que moi-même, j'habite à Paris. Les productions, enfin je pense qu'il y a une part de la production, mais surtout des cinémas et des directeurs de cinéma qui n'ont pas souhaité le diffuser parce que ça ne marchait pas, mais surtout qu'il était présent dans je me demande si c'est à peine 10 salles, et encore je crois que je suis très large à Paris, donc c'est très très faible. Est-ce que ça n'a pas été un bide Les Baudins, parce que ça repose sur des personnages qui existaient déjà et que... Mais pour le coup ça a très bien marché dans le reste de la France, enfin lire quelques critiques, etc. Et oui, c'est ça le problème, entre guillemets. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites dessus qui montrent que c'était un peu Paris contre le reste de la France. Et après, c'est sûr que ça parle à une certaine catégorie de personnes, ou du moins, on parle du milieu rural, donc on parle quasiment jamais. À Paris, il y a peu de ruraux. En tout cas. Oui, il y a peu de ruraux, mais c'est un thème qu'on évoque peu aussi au cinéma, je trouve. Sauf dans les trucs sociaux. Genre petit paysan médecin de campagne, ce genre de trucs. Exactement. Ouais, mais du coup, souvent, c'est justement, si on parle de campagne, c'est que ça fait partie intégrante de l'intrigue du film. Sinon, c'est ça. Sinon, c'est pareil. Quoi. Oui, même dans les comédies un peu récentes, le film d'Orelsan, qui en soi est une comédie et qui il se passe pas. Bon, c'est à Caen, c'est pas non plus la campagne, mais ils font des vannes sur le fait que c'est une ville un peu paumée, où il pleut tout le temps et tout. Et ils sont pas juste à Caen parce que c'est une ville comme une autre, sinon ils seraient à Paris en fait. Genre la ville de base en France, dans les comédies, c'est Paris, et quand ils sont autre part, ou les grandes villes genre Marseille, etc. Quand ils sont autre part, il faut faire des vannes, ou alors c'est justement il est paumé. Ouais, la ville est un prétexte. Bienvenue chez les Ch'tis, il va dans le nord, il va dans une petite ville, alors qu'il vient de Marseille. Voilà, la blague c'est que c'est paumé, c'est que c'est le nord et tout. C'est ça. Ouais. Si c'est Paris, on n'a même pas besoin de le nommer. Si c'est la campagne, mais, qu'on la Tour Eiffel, mais que ça ne fait pas partie de l'intrigue, on ne va pas la nommer, on va juste montrer la campagne. Mais si ça fait partie, justement, bah, comme la ville dans Bienvenue chez les Ch'tis, en fait, c'est vraiment ça. C'est un peu, bah, c'est soit Paris, soit, soit l'inconnu. Quoi. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. C'est comme une autre comédie aussi, ça me fait penser à ça, avec Neuilly sa mère. Ah, bien sûr. Dont on n'a pas parlé. Bien sûr. Pas encore. Ajuste. Et pour le coup, le premier film avait plutôt bien marché. Et il était plutôt. Voilà, il parlait de quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu. Puis. Voilà, ça traitait d'un sujet différent, puis enfin bref, il y avait pas mal de choses un peu nouvelles entre guillemets, et puis bah le 2 voilà, rebelote quoi, comme les autres. Littéralement le titre c'est Neuilly sa mère, hein, ils sont pas foulés. Je pense qu'on peut applaudir l'originalité. Non mais c'est pas qu'ils sont pas foulés, c'est que ça ne veut rien dire. C'est littéral, ça ne veut rien dire. Personne dire sa mère. D'ailleurs, en parlant de titres pourris, je pense à Aladdin. De Kev Adams et à la 2. C'est la meilleure blague du film, elle est sur l'affiche. Le reste, inexistant. Pareil, les nouvelles aventures d'Aladin ou les nouvelles aventures de Blanche-Neige. Ouais. Sur typiquement la comédie populaire française, ça fait des entrées. Il y a pas mal d'acteurs connus dedans. Et c'est de l'humour de personnages, c'est que du dialogue, etc. L'intrigue, même quand il y a de l'intrigue elle est déjà connue. C'est les nouvelles aventures de. Ouais. Puis, je crois qu'ils sont arrêtés là d'ailleurs à Cendrillon parce que Blanche-Neige parce que bon. En fait, après je te laisse la parole. J'ai l'impression que souvent on se dit en tout cas pour produire des films comédie française, et si machin il faisait ça et après on écrit un scénario. Alors que c'était peut-être pas comme ça qu'on faisait avant ou pas comme ça qu'ils font dans les autres pays qui font de la comédie, je sais pas, mais. J'ai l'impression que souvent de voir le réalisateur me dire t'imagines si Aladdin c'était un con. Non mais c'est vrai, c'est littéralement ce qui se passe. Tous les grands films commencent comme ça. Ouais. C'est. Non mais je pense qu'il se base sur le premier à marcher, on va rajouter peut-être ça et ça, tu penses que ça peut marcher, puis ils en parlent autour d'eux, non mais t'as l'impression que c'est un peu ça, ils en parlent autour d'eux, ça fait rire, et puis voilà. Quoi. Et puis tu parlais de l'affiche où tout était écrit dessus. Moi, ça me fait penser aux bandes annonces. Tu regardes une bande annonce d'une comédie populaire, t'as toutes les blagues dedans qui vont être dans le film. Ouais. Et puis, tu te dis, tu vas aller voir le film aussi, tu vas dire, mais qu'est-ce que je fous là? En fait, j'ai déjà vu toutes les blagues. Donc, au moment où la blague arrive, tu te marres, mais voilà, sur le côté. Sachant que tu l'as vu déjà 8 fois. T'as plus de contexte, mais ça reste pas ouf. Mais tu vois, pour le coup, et ça me fait mal de le dire, mais quand je vois OSS 117 le 3, et malheureusement, moi, je l'intègre. Dans les comédies populaires françaises ratées entre guillemets parce que t'as les deux premiers qui sont pour moi ça me fait vraiment rire après faut être en accord avec cet humour là et le troisième est complètement pour moi il est raté parce que encore une fois toutes les blagues étaient dans la bande annonce et je me suis dit ça va être super marrant déjà. Et en fait tu te retrouves au ciné, tu te dis donc c'était ça et tu sors et tu te dis moi j'étais déçu, j'étais limite un peu contrarié parce que je me suis dit qu'est-ce que t'as fait Jean quoi. C'est con. Je comprends aussi mais moi j'étais plus énervé envers Bedos parce que déjà la réalisation elle est d'une simplicité navrante je trouve. Et on a vraiment l'impression d'entendre Jean Dujardin dire ce que Bedos voudrait dire. Alors que ce qui était bien dans les OSS de Azenavicius, c'était que justement, le personnage de Jean Dujardin, tu pouvais pas le comparer à un autre personnage. Et il lançait des répliques et tout, l'art de la réplique française en plus. Là, y a aucune réplique dont je me souviens dans OSS 117. Alors que je le ferai pas parce que je trouve ça extrêmement pénible, mais de citer toutes les répliques de OSS 117. Ah oui, des boules de Noël, par exemple. Bien sûr. Pourquoi on n'a pas parlé de Brice de Nice encore? On n'a pas envie. D'accord. Non, je ne l'ai pas vu. La censure de Brice de Nice. Voilà. Mais sinon, non, je vais peut-être casser un peu l'ambiance, mais en fait, dans tous les films dont on vient de parler majoritairement, je remarque déjà une chose, c'est que dans la plupart, le personnage principal est un homme. De 2, le personnage principal est un homme blanc. De 3, le personnage principal est un homme blanc hétérosexuel. Et dans le rare cas... Ding, ding, ding, c'est le bingo. Exactement. On a coché toutes les cases. Et dans les rares cas où justement on ne coche pas ces cases, c'est ça qui fait l'objet de l'humour. Si on a un personnage racisé, c'est justement ça dont on va se moquer. Bonsoir. OSS 117, 3. Le 1 et le 2 moins. Mais justement, Neuilly sa mère. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Oui, sa mère aussi. Exact. Enfin, et en fait, c'est ça qui me choque, c'est que bah à la fois les comédies françaises sont représentatives de l'humour français, donc l'humour beauf, la culture populaire, etc. Mais c'est aussi pour moi représentatif un peu du sexisme et du racisme sous-jacent à la culture et de l'homophobie aussi sous-jacente à la culture française. Et je trouve ça dommage. Ce serait bien qu'on puisse on peut rire des femmes sans que forcément que ce soit de l'humour sexiste. On peut rire des personnes homosexuelles sans que ce soit homophobe. On peut rire des personnes avec les personnes racisées sans que ce soit, raciste. Et je pense que pour l'instant, la comédie française ne sait tout simplement pas le faire, en fait. Mais oui. ça me fait penser à ça. Je pense que quand je suis sorti d'OSS 117, le troisième, là, je pense que si je l'avais vu 5-6 ans avant, j'aurais peut-être plus rigolé. Et en fait, je me suis dit... Mais ils n'ont pas pris le pli, en fait, parce que je pense que voilà, entre 2022 où on est actuellement et même il y a 5 ans, je pense que voilà, il y a eu un tournant qui s'est fait, il y a eu une place qui a été donnée sur des questions, sur d'autres choses. On a quand même eu le mouvement MeToo. Exactement, oui, tu as plein de choses qui se sont passées. Enfin, je veux dire, on a eu une ouverture. Enfin, en tout cas, de mon côté, je pense, dans une grande partie de la société, il y a eu des questions. Enfin, il y a des choses sur lesquelles on n'osait pas mettre des mots ou tout simplement on ne mettait pas de mots. Et là, on a commencé à en mettre et en fait, on s'est dit, bah ouais, mais c'est plus marrant en fait ça. Et le problème, c'est que bah, là, si on reprend le cas de Bedos, il n'a pas compris ça et il est passé pour moi à côté de la plaque. C'est plus marrant et surtout, ça ne fait plus rire. L'illustration parfaite, c'est pour moi le discours de Dujardin quand il s'adresse à je sais plus comment elle s'appelle la dans chef le 3. Dans le 3, dans le 3 ouais. Il vient de faire l'amour avec et justement il dit vous savez, enfin il fait un grand discours sur l'Afrique et tout en mode ah non mais c'est trop bien, genre tu sais le discours de l'orientalisme vraiment et décolonisateur, et je suis en mode mais jamais le personnage de Dujardin dirait ça. Le dans le 1 et le 2 il dit bah c'est pas comme ça que ça marche, genre justement il est surpris puis il s'adapte direct et on lui fait remarquer que c'est un gros débile et là juste on a l'impression d'entendre Bedos dire on peut plus rien dire de toute façon en mode, mec, si on peut plus rien dire, fais pas OSS 117. C'est la quintessence du truc où tout le monde dit, bah justement, on se moque de ce personnage-là. Alors que là, on est en train de le glorifier. C'est ça qui on a l'impression de glorifier le perso, alors que c'était trop bien. Enfin, trop bien. En tout cas, moi, j'aimais beaucoup dans OSS 117 qu'on se foutait de la gueule de cette vision-là du monde et de la France. C'est ça qui faisait la force des deux premiers aussi, c'est qu'il était seul contre tous. Et il était seul à être con, à avoir ses idées préconçues. On le faisait remarquer à chaque fois. Et effectivement, comme tu dis, sur l'Amérique du Sud, sur l'Afrique du Nord, tout, à chaque fois qu'il est dans un endroit, il était paumé. Il se faisait rappeler à l'ordre. Et, c'est ça. Et en plus, les deux personnages entre guillemets principaux du 1 et du 2, c'est deux femmes qui lui rappellent à l'ordre en mode mais non, t'as tort. Et c'est ça qui était bien. Et c'est ce qui permet d'ailleurs aussi de faire passer des blagues qui peuvent être. Qui sont graveleuses concrètement dans le 1 et le 2, mais en fait, comme c'est lui qui les lit, et comme vous le disiez, c'est un personnage, en gros, voilà, on se dit, mais t'es débile, tu le fais exprès. Et en fait, ça permet de faire passer ces blagues-là, qui sont certes là, mais qui sont pas dérangeantes, enfin, du moins, c'est mon avis personnel, parce que y a ce côté aussi où, voilà, on se fout concrètement de la tête du personnage. Oui. Et dans le 3, la seule manière dont t'as trouvé Bedos de se moquer du jardin, c'est de prendre Pierre Niney. Exactement. Ouais. Ça ne marche pas du tout. Oui, ça ne marche pas. Je suis trop déçu parce que Pierre Niney, je l'aime beaucoup. Mais ça marche pas. Non, pas du tout. On a vraiment l'impression que c'est Pierre Niney qui fait... c'est tout. Mais en fait, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure. Pierre Niney, pour l'instant, il est un peu mis au placard dans les films un peu dramatiques, sérieux, etc. français, et on l'a peu vu dans des rôles d'humour. Mais il a pas encore eu son Ciao Pantin. Exactement. c'est ça. Et là, pour le coup, il a échoué, quoi. Enfin, ça n'aura pas marqué. Bah, lui, ça conforte un peu l'idée. Mais pour le coup, il est drôle, mais ça marche pas avec l'autre personnage. C'est que les deux fitent pas. Mais... Après, pour le coup, dans Five, il est très marrant. Enfin, je sais pas si vous avez vu Five, qui est une comédie aussi peut-être. Ah là, par contre, qui parle beaucoup de sexe. Mais qui parle, et puis qui la seule. Et puis qui, moi, je trouvais très marrante parce que bah, il parle pas forcément. Bah, déjà, il y a pas tout ce côté, voilà, racisme, etc. dont on parlait, qui sont un peu. On joue dessus. Là, c'est vraiment. C'est une bande de potes concrètement qui sont ensemble et qui un projet en plus autour, voilà, de la drogue, etc. Enfin, de l'argent. Non, mais je veux dire, c'est bien réalisé en plus. Ouais, et puis, je pense que. Enfin, là, je pense que vous allez me rejoindre peut-être là-dessus. Comme ce sont des jeunes, on parle de coloc entre jeunes, on se dit ah ouais, c'est quand même stylé, c'est un peu la vie, c'est un peu la coloc de rêve que tu as envie d'avoir avec tes potes. Donc, c'est sûr que ça parle à un public et ça nous a parlé à ce moment-là. Ils ont une sacrée coloc d'ailleurs. Dans mes souvenirs. Ouais, c'est pas le petit 12 mètres carrés. On est sur une résidence finalement. Est-ce qu'ils sont vraiment à Paris? Dans le film, ou dans la vraie vie, non. Dans la vraie, ça n'existe pas. Nanterre à la limite, mais pas Paris même. Du coup, après, c'est pas des digressions parce qu'on en a besoin pour écrire notre propre film en soi, mais c'est vrai. On a un peu isolé tous les éléments que nous on a retenu en tout cas des comédies populaires françaises. Qu'est-ce qu'on fait comme film? Parce qu'évidemment, on peut mettre tout ce qu'on a vu dedans, dans tous les films qu'on a cités, dans tous les exemples entre guillemets. Mais par exemple, c'est quoi notre contexte du début? C'est quoi notre personnage principal? Alors, du coup, comme on l'a énoncé, le personnage principal, c'est un homme blanc hétéro, bien sûr. Mais du coup, qu'est-ce qui lui arrive? Non, mais en vrai, ça, c'est la base, on va dire, de pratiquement toutes les comédies populaires françaises. Est-ce qu'on rentre dedans? Est-ce qu'on a envie de s'en écarter, justement, de mettre un personnage qui n'est pas ça dans des situations différentes? Moi, ça me ferait vraiment bien marrer de mettre un personnage type, vraiment le truc qu'on voit tout le temps dans les comédies, mais dans des situations totalement différentes des comédies habituelles, où justement il est... Avec un twist. Il est mis à mal, il y a un twist à chaque scène, c'est ça le truc. Mmh. Moi j'aimerais bien... Imagine, il y a un twist à chaque scène. Ouais. Ce qu'on pourrait faire, c'est justement partir un peu du stéréotype même du personnage dans les comédies françaises et justement apporter un peu un twist moderne. Et justement, au lieu que ce soit lui qui gère un peu la situation, etc., et qui se moque des autres, ce soit en fait lui qui soit la cible de toutes les moqueries. C'est-à-dire qu'on pourrait faire une histoire... Alors, je propose, bien évidemment, mais un homme qui trompe sa femme, qui est hyper mégalo, qui est riche, qui pète plus haut que son cul, littéralement, excusez-moi pour la grossièreté, mais qui, en fait, trompe sa femme. Et donc, on pense que, justement, le dindon de la farce, ça va être sa femme. Et au final, sa femme se révolte, contacte la fameuse maîtresse. Et en fait, elle se retourne contre lui. Et c'est lui qui, en fait, qui se retrouve être le fameux dindon. Ça ne serait pas le dîner de cons? non, c'est il y a un film, je crois, où c'est ça. Où mais ça me fait penser, moi, à l'ermite. Une meuf qui se fait tromper par son mec et qui contacte la meuf et elles ont un plan. Alors, c'est juste une scène. Mince, on m'a volé l'idée alors. Ouais, mais je crois que t'as raison, mais je me souviens pas du film, mais ouais. Oui. Ouais. Ce genre, ça a déjà dû être fait, mais un peu dans cette vanne-là. Ça pourrait être sympa. C'est américain d'ailleurs, parce que ça parle de cul. Donc, oui. Non, mais c'est américain, mais j'ai plus le titre en tête. Mais oui, ce genre de truc où t'as le personnage de base, on pense que c'est ce genre de personnage qui est l'élément central du film, puis au final les blagues, etc., elles arrivent autour de lui. Ouais. Et enfin, lui, il est juste notre notre transport de scène en scène, puis après l'humour, il se fait autour de lui, notre bouc émissaire un petit peu. Exactement, on a envie de frapper dessus. Est-ce que ce serait pas un petit peu notre 67? C'est un peu ça, aussi, oui. Finalement. Notre homme blanc hétéro sur lequel on va taper, c'est pas mal. Le rêve de toute féministe. Est-ce qu'il se ferait pas péter la gueule aussi? Ah. Plusieurs reprises. Ça peut être marrant. Ce serait sympa. Ou c'est alors qu'il se casse la gueule, ce qui est encore plus humiliant. Ce qui est encore plus humiliant. Sur des pots de banane. C'est la chaîne. T'es un mec, t'es visionnaire. On va faire le film de Mario Kart. C'est parti. Et puis après un moment, il se prend une carapace, ça n'a plus aucun sens. Alors, du coup, on part sur ce personnage-là. Dans la vie, c'est qui? On est dans quel contexte? Dans quelle époque? Vous avez une idée de classe sociale? 1, 2, 3, 4, 5. Quel level dans la hiérarchie? La CSP. Non, mais ça peut être... c'est déjà vu, mais ça peut être un petit trader qui bosse tranquillement. Un petit Jérôme Kerviel. Ah, exactement, voilà. Jérôme pas Kerviel. Pas mal, pas mal. Ça peut être pas mal, tu vois. Jérôme Kerviel. C'est la deuxième fois qu'on le cite dans l'émission. À la défense. C'est le point Godwin de l'émission. Non, c'est que à un vieil épisode d'Intérieur Nuit, on avait imaginé, c'était sur les comédies musicales, romantiques, pardon. Et on avait imaginé que un trader très très mauvais investissait sur tout ce qui bougeait. Mmh. Et il allait dans un théâtre pour voir une pièce. Il dit j'investis dans votre truc. Et il tombait amoureux d'une meuf dedans. Et quel romantisme. Il s'appelait Jérôme. Voilà. Et après, il devient de gauche. Même pas. Ah merde. Non, juste... Dommage. Après, il sort avec. À la fin, il finit avec la meuf qui était au fond là depuis le début. comme dans toutes les comédies romantiques. Et oui, pas sûr. Dans la moitié des comédies romantiques où ça se passe mieux, ça se passe mal. Et du coup, c'était sans doute la personne que j'avais pas vue depuis le début qui était la meilleure pour moi. C'est toujours comme ça. Voilà, du coup, Jérôme Kerviel qui revient du coup dans la production après avoir volé combien 5 milliards, je sais plus. Enfin, volé. Ouais, fait perdre. Un peu plus, je crois. Ouais, fait perdre. J'ai jamais compris ce qui s'est passé. Mais alors, un petit Jérôme qu'on va appeler Jérôme. Quel suspense. Non, sinon, je l'appellerai pas Kevin. Oh non. Pour changer. Non, parce que sinon, on se met automatiquement dans une classe sociale, dans un stéréotype trop défini. Après, il est trader, donc. Moi, ouais, je verrais bien Philippe. Ça va. Un bon prénom bien franchouillard. Sinon. Jean, c'est trop personnage. François, c'est pas mal. Charles. Oh, Charles. Hervé. Charles, allez, Charles. Va pour Carlito. Charles. Va pour Charles. Ok, Charles. Carlos, quoi. Carlos. Carlos Ghosn. Je suis en train de démarrer en côte. Il serait temps de passer la deuxième. Oui, bah écoute, je suis. Tu montes dans l'ascenseur avec Charles, c'est ça 30e étage, vue sur la Tour Eiffel. Et donc, bing, on arrive dans la première scène. Hop là, la Mais alors, pourquoi Paris? Pourquoi la Tour Eiffel? Pourquoi Paris? Parce qu'il est trader. Il va pas être trader à, ou alors à Marseille. À Angoulême. Oui, à Angoulême. Pour la reine. Ah, merci. À Brest. Bah pourquoi pas, non. Pourquoi pas faire une petite comédie sur la Bretagne? Je pense qu'on a un peu calé pas mal de blagues sur un peu d'alcool, les pires forceurs du pays, tu veux dire? Un peu de bière, du cognaman. Allez hop. Hop là, tous les Bretons là. C'est pour vous. Non, les Bretons ils sont très fiers d'être Bretons, voilà, contrairement au centre. Ils sont surtout très intelligents parce qu'ils ne payent pas les péages et ça, je leur tire mon chapeau. Oui. Leur chapeau rouge d'ailleurs. Oui. Hop là. Sinon, j'ai une proposition. On peut faire un Corse qui vit sur Paris. Comme ça, on lui met un trait de caractère absolument hilarant. C'est qu'il est très colérique, mais à la fois très maladroit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se met en colère, il peut faire un peu l'homme viril qui tape du poing sur la table. Il se fait mal. Il casse la table, voilà. Ah non, il casse la table. Carrément. C'est le mec a une force surhumaine. C'est limite un peu stylé, en fait. Non, mais alors je suis énervé, je suis très énervé. C'est comme il met un coup de pied dans un râteau, il se prend le manche du râteau, quoi. Un peu dans cette vanne-là, quoi. Vraiment, il tombe sur une banane. On revient. On revient toujours sur la banane. Elle sera là. La blague originelle. Le titre du film, La Banane. Mais du coup, on parlait d'ascenseur. J'étais en train de monter dans l'ascenseur. Hop, on arrive à la première scène où. Il est dans sa tour, parce que c'est un trader, il est dans une tour. Et c'est un peu l'introduction du personnage, du contexte, de son environnement et des personnages qui gravitent autour de lui, qui seront les personnages principaux, mais au début on ne le sait pas. Et du coup, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'on ne pourrait pas lui mettre, par exemple, je sais pas, un boss un peu qui a le complexe de Napoléon, c'est-à-dire qui est petit mais qui se voit hyper grand Petit tyran. Ça peut être pas mal, ouais. Pas forcément petit en taille. Hein, mais moi, je mettrais bien un boss. Une femme CEO, clairement, et il se sent limite diminué par rapport à elle, quoi. C'est vraiment genre, je veux prouver que moi je suis viril, que je suis masculin, genre un peu une question d'ascendance, etc., qui veut montrer que c'est lui l'homme. Alors et que du coup, là, il tape du poing sur la table, aïe. Exactement, alors qu'il est payé 10 fois moins que sa patronne. Qui est sa patronne, donc. Ouais, final, mais tu vois bien une patronne, pour le coup, dans un film comédie populaire français, on s'écarte un peu des petits stéréotypes, là. Non, justement, j'ai envie de. Cliché. Ah, ça peut être très cliché si on l'a fait. Bah, faut qu'elle gagne moins que lui alors. Qu'elle gagne moins que lui et que ce soit son love interest aussi. Oui, sinon c'est pas drôle. Oui, mais elle, elle est pas du tout. Lui, il s'imagine, dans sa tête, il s'imagine un truc pendant tout le film. Voilà, exactement. Elle le calcule absolument. Bah, est-ce qu'on serait pas sur un peu la tour de Montparnasse infernale là? Oh, Marie-Joëlle. Alors, je permets pas qu'on critique ce film. Il est incroyable. D'ailleurs, je comprends pas qu'on en ait pas parlé plus tôt. C'est vrai, alors que c'est la meilleure comédie qui existe. Oui. La cité de la peur aussi, c'est pas mal. Ah bah oui. Ouais. Non, moi je reste sur le tour de Montparnasse infernal. Le 2 est moins bien. Ne parlons pas du 2. Il n'existe pas, si on n'en parle pas. Vraiment, t'as le stylo des Men in Black, le 2 n'a jamais existé. Exactement. Ouais, du coup, il est avec une boss. Mais il faudrait qu'on lui donne un. Enfin, qu'on. Dans ses yeux, qu'elle ait une caractéristique hyper cliché des femmes ou des boss en général ou je sais pas quoi. Mais qu'on voit que c'est faux, genre que quand lui il est dans la même pièce qu'elle, on a l'impression qu'elle est hyper, je sais pas, c'est quoi les clichés sur les femmes boss, un peu comme Jennifer Aniston dans Autoritaire. Ouais. Très auto. Voilà, qu'elle, en fait, elle se réapproprie des codes de la masculinité, ouais. En fait, parce qu'on pense pas le pouvoir sur la masculinité. Et du coup, qui est hyper toxique, etc. Alors exactement. Qu'on voit que très masculine. Dès qu'on la suit autre part et qu'il est pas là, bah en fait, elle est pas pareille. Ouais. C'est lui le problème, en fait. car c'est un trader, je rappelle. Et un homme blanc. Trader. Sinon, tu vas pas finir la soirée. Oh merde. C'est trois problèmes dans cette pièce. Je pense que je vais vous sortir. Trois problèmes, sinon. Beaucoup trop de problèmes dans cette pièce. Par contre, il n'y a pas de trader dans cette pièce. Et ça. Oui, mais il y a quelqu'un qui sort d'école de commerce. Donc, est-ce qu'au final, on serait pas loin? En plus, tu voulais appeler Philippe le personnage. Hein. Et oui, c'est ça, oui, mais c'est parce que j'avais oublié son depuis. Prénom. alors, on avait dit qu'il s'appelait comment déjà? Charles. Ouais. Putain, c'est ça. Tu vois, il a un prénom tellement banal. La première scène, donc il arrive au travail, il arrive en retard. Moi, j'aime bien ça. Mais c'est ouais. Mon idée, donc j'aime bien. Il est encore bourré de la veille. Ouais, je pense qu'il va. Pas ouais, mal. Et je pense très qu'il français. Va aux toilettes ouais. Directement parce qu'il va prendre son rail de coke. C'est exactement. Un trader. Bah oui, ah, oui. Un trader sans coke. Café coke. Clope. Un café, ouais. Un rail, un frident. Voilà, exact. C'est... Oh, parfait. Et du coup, il va prendre son petit rail en écoutant du rail. Petite blague que je passe. Oui. On va pas la mettre dans le film, je pense. Bon, après, on n'est pas obligé de le réaliser. Donc, on peut la mettre quand même. C'est pour me faire plaisir. C'est pas mal. Ouais, c'est je veux qu'il y ait que du rail en bande-son. C'est les scènes hyper émotionnelles, t'as du rail. Juste ça, ce serait hilarant. Et du coup, il revient. Il s'est pris son rail et tout. On voit... c'est entre guillemets un montage assez vif, assez cut. Mmh. Il arrive, pam, là, il y a la porte. Un peu à la Edgar Wright quand, dans Hot Fuzz, quand le policier va dans la campagne. T'as des cuts assez sévères. Ouais. Où tu vois des pas mal d'inserts de lui avec sa plante, etc. Si vous n'avez pas vu Hot Fuzz, vous ne voyez pas du tout de quoi je parle. Mais c'est un montage assez rapide. On se concentre sur les éléments. Donc là, hop, t'as un plan sur lui qui ouvre la porte, un plan sur lui qui pose ses affaires. Cut, il est directement dans les toilettes. Il est directement en train de sniffer. Cut, il est de nouveau dans son bureau. Genre vraiment, ça va très très vite. Pour qu'on perde pas de temps. Un peu comme dans Snatch aussi. Snatch. Bah, c'est un peu ce genre de film. C'est Snatch, c'est qui déjà C'est comment s'appelle Guy Ritchie. Guy Ritchie. Ouais. Bah, c'est un peu ouais, Ritchie, Wright. Ils ont un peu ce genre de montage dans leur film. Et là, hop, elle arrive. Dans son bureau. Alors qu'il est complètement mort. Il est allongé sur sa table. Sa table de glace, tu sais, sa table de ouais. Verre. Les là. Cheveux en bataille, la et chemise ouais. Défaite. Et là, est-ce que ça commencerait pas fort et en c'est gros, quoi la première réplique? Elle lui dit, t'es viré. Oh. Direct. Ouais, bah faut mettre et dans après, le et après, elle lui dit, je rigole. Et c'est la fin du film. Et est-ce qu'elle ne dirait pas « Eh non, je ne suis pas ta boss, je suis... merde, j'ai ta mère. Ma non, peut-être. » Et là, elle sort un sabre laser. Et en fait, c'est une allu. Une hallucination, elle sortait juste un briquet. Ou elle fait la blague de Jonathan Cohen qui dit « Eh non, je ne suis... Je suis la police. » Je suis ça. Agent de police, exactement. Ceci est un contrôle de police. Une descente de police. Une descente. Elle met le badge là sur son bras. Allez, hop, comme ouais. Les mecs de la RATP. RATP. Oui. Et après, elle regarde la cam, elle fait un regard cam, elle dit merci Joe. Et elle se casse. Et après, du coup, lui, il est juste mort. Il non, est mais toujours mort sur son bras. Non, je pense que ce serait trop gros. Ça serait trop facile. Faut qu'on voit ouais, qu'il est un peu dégardé. Mais moi, je pense que tu vois, si elle lui dit t'es viré. Il est mort, enfin, il est dans sa tête, il dit putain, je vais tout perdre, machin et tout. Et là, tu vois, comme c'est une comédie française, il y a un préavis. Tu le fais remonter, tu vois. Il remonte et à la fin, tu sais très bien que ça va être. Elle arrive et elle ouais. Lui dit non, mais Charles, ce n'est vraiment plus possible. Je ne vois qu'une seule solution, tu es viré. T'es avec un peu de colère et d'émotion dans ouais. La fin, il s'est viré, tu veux dire. Non, carrément au début. Non, ouais. Et après, il remonte la pente. Après, mais il faut quelque ouais. Chose avant, alors. Alors, voix off. Pour qu'on comprenne déjà qu'il est trader. Ah, mais en fait, là, on est en train de faire le setup, un peu qu'on est en train de faire le contexte de la bande-annonce en soi. Un peu comme alibi.com, genre ouais. De truc. Ouais. On découvre pourquoi ils en sont là et ensuite, il évolue. Mais ce serait bien, ouais, c'est un trader qui se croit un peu intouchable. On le voit un peu passer dans la rue et faire hey, comme dans Spider-Man. Ouais, c'est ouais. Ça. Tu veux qu'il fasse des pubs, genre Genre clairement, il fait des pubs de montres, des pubs de parfums. Ouais, bah, c'est un trader connu, tu vois. Des parfums très, très virils, genre sauvage. Et après, et il arrive après avoir pris son ride de coude dans son, comment ça s'appelle, dans son bureau. Ouais. Et là, il y a sa boss qui rentre et il dit t'as un truc là. Au niveau dîner. Non, mais il parle de manière hyper misogyne, genre hey, salut poupée, un truc comme ça. Et elle dit t'es viré. Ah, c'est une annonce pour cut, il est chez lui, il est en train de pleurer. Mm. On perd pas de temps à. Et il devient agriculteur. Mais la boss. Sa femme le quitte. Faut aller fort. Vraiment, à chaque plan, il se passe un truc. Ouais, mais faut aller virer. Cut, il est chez lui. Chérie, je me suis fait virer, je te quitte. Et là, il retourne chez sa mère. Ou alors, non, et sa mère mieux. Qui l'apprend, t'es adopté. Non, mais mieux, yes, sa femme ne le quitte pas, il revient chez lui plus tôt que prévu parce que d'habitude il finit à nuit et il découvre sa femme avec son frère. Et du coup, il a plus de famille, de sang, il a plus de boulot. Sa Porsche tombe en panne, vraiment. Oh, c'est la catastrophe. La Porsche pour laquelle il a travaillé. Mais encore une fois, oui. J'aime pas trop la manière dont on instrumentalise le... enfin, un peu sa femme, quoi. Je trouve ça dommage. Ou alors ce serait drôle de faire une scène où justement il pleure assez. Mais peu, non, quoi. Parce que c'est sa femme qui lui met à l'envers et pour le coup, ouais, c'est pas, on instrumentalise pas le truc. On montre que voilà. Un peu... Mais non, parce que lui, tu vois, il faisait un peu le cador et bah il se fait un peu avoir quoi. Ouais. Enfin, il se fait une récolte que ce qu'il sème. Oh là là. Ce qui serait drôle, c'est que la scène d'ouverture, c'est genre lui qui se réveille dans le lit d'une autre femme, qu'il arrive au bureau complètement mort. Ouais. Qui se fasse virer, là, qui rentre mal. Chez lui et que genre ce soit hyper dramatique pour lui qu'après il pleure en mode oui ma femme elle m'a trompé alors que derrière il faisait la même chose tu vois genre ouais, là c'est pas mal c'est un peu une parodie du personnage de Mad Men je sais pas si vous avez vu Mad Men c'est une série avec où le personnage principal s'appelle Don Draper il passe son temps à tromper sa femme et je crois que elle a une aventure avec un gars ça se passe dans les années 60 hein, aussi aux États-Unis. Et c'était un mec à New York. Ah, des gars de marketing. Ouais, Madison Square. Bah, les Mad Men. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Mais moi, ça me fait tout simplement penser aux Infidèles aussi. Film français. Ah, ouais. Ah bah écoute, moi, je l'ai plus pas que t'es dans le film français. Avec Dujardin et Lelouch. Ouais. Et qui parle de ça concrètement, vraiment de l'infidélité. C'est le sujet du film. En même temps, le titre l'indique. Donc, ouais. on va pas changer. On va pas leur. Non, en vouloir. Ouais, voilà. Est-ce que ce monsieur, il a des enfants ? Et il perd ses enfants. Est-ce que Charles... Non, ce serait trop tragique. Charles, non, mais Charles n'a pas d'enfants. Ils sont au supermarché, il les perd de vue. Puis, Si, il a des enfants, il a des enfants, mais des petits connards, tu vois, en enfant. Oh, oui. Bah oui, tu en vois même temps, avec les parents qu'ils ont. Ouais. Bah ouais, tu vois, père absent, un qui s'appelle Augustin, et une autre qui s'appelle... Jeanne. Justine. Cerise ou... C'est le nom de ma sœur, Jeanne. Prune, Pascal. Tu vois. Oh, prune, c'est pas mal. Ouais. Non, mais un nom de fruit ou de plante. Bah, prune Lila. Ou vanille. Hibiscus. Un prénom qui n'existe pas. De toute façon, il faut que ce soit un truc... Jonquille. Je t'appelle Térébenthine. C'est mignon, ça. Térébenthine. C'est le nom d'un instrument de musique. Pas mal. J'ai jamais entendu. Térébenthine. Merci pour cette... Et Bud Spencer. Il s'appelle Mante. Et son fils s'appelle Chlorophylle. Donc Mante et Chloro qui rentrent à la maison et ils voient qu'est-ce qu'ils voient. Du coup ils voient leur père. Ils voient leur père. Je pense qu'ils pètent un câble en même temps non, leur père. Dis, non. Faut qu'il soit faible. Ah faut qu'il soit faible. Ouais. Enfin qu'il soit pas acteur. Ou alors qu'il soit à genoux en train de supplier sa femme. De rester. Et il est en train de non, pleurer. Non ça faut que ce soit plus tard parce que justement au début faut qu'il. Enfin moi je le vois bien genre en mode une scène genre hyper dramatique mais super drôle. Genre, il pleut ce jour-là, il sort du bureau, il rentre chez lui, il voit sa femme en train de le tromper. Et alors là, il sort dehors, il pleut des cordes, et genre, il est là en quelle mode journée hyper, de merde. Il est là, hyper misérable. Et en fait, derrière, genre, il se fait éclabousser par des voitures qui passent ou que des conneries comme ça. Mais là, t'as de la peine pour lui quand même, tu vois. C'est vrai que là, j'ai un peu de la peine pour lui, là, du pour le là, coup. Mais justement, il faut, non, on il faut apprendre à ne pas l'aimer. Ouais, mais genre, par exemple, sur le trajet entre sa maîtresse et sa femme, on peut le voir, genre, par exemple, crash. Oui. Tu sais, les petits trucs tout con. Non, il prend un Uber parce qu'il a de la thune. Oui. Il a de la thune, il prend pas le bus. Ou genre, tu sais, genre, il se comporte genre super mal, genre avec une personne âgée. Il la pousse. Pas son heure du métro. Va plus vite ou avec un SDF, tu vois, un ouais. truc. Ouais, un SDF, ou alors il a quelqu'un au téléphone et il parle. Ou genre son gosse au téléphone et il parle super mal. Comme ça, on comprend déjà qu'il a une vie de famille, donc déjà potentiellement une femme. Ouais. Et que les choses peuvent tourner au vinaigre et que déjà, on se dit, oh. Putain, on est dans ce stéréotype-là, il me fait déjà chier. Bah ouais. Ça vous va ? Attends, du coup, il faut qu'on reprenne l'histoire là pour que ça soit peut-être facile à écouter pour les auditeurs et les auditrices. Petit résumé, on a. Vas-y, petit résumé, Angéline. T'as l'air rapide. Alors, on a le fameux Charles. Par un matin frais du mois d'avril, il se réveille dans le lit de sa sœur étendre, complètement mort, et qui lui a juste laissé un message en mode bisous, je vais au bureau. Il se lève complètement mort, il arrive dans son bureau, hop, un petit rail à droite, à gauche, et soudain coup, sa boss rentre et lui dit que les chiffres ont été terribles et qu'en fait, il en est plus ou moins la cause et que du coup, il est viré. Il sort de chez lui, il sort du bureau, il est un peu vénère, il rentre chez lui, et alors là, choc, suspense, il voit sa femme en train de le tromper avec son meilleur ami. En plus, avec son meilleur ami. C'est vraiment pas nice. Et alors, les deux sont là, non, mais attends, on va t'expliquer. En plus, son meilleur ami qui est comédien. J'ai envie de mettre là, qui est du comédien. Parce qu'il se dit, tu vois, il a toujours critiqué avec sa femme. Exactement. Ah, oui. Tu vois, tu me quittes pour quelqu'un qui est pauvre. En plus, tu m'as trompé avec un mec de gauche. Mais c'est son meilleur ami depuis l'enfance. Du coup, il peut pas, tu vois. Il le déteste, il crache dessus, mais quand il se voit, il se marre bien. Et puis, ils se font des vannes. C'est le seul ami qui est là. Et c'est peut-être le seul ami. Oui. Exactement. Et alors là, il sort dans la rue de Paris, dans les rues de Paris. On a de la peine pour lui. Là, on a de la. À ce moment-là, oui, juste là. À ce moment-là, on pleure. On est devant l'écran, on pleure, ou du moins, on se dit ah putain. Sauf que là, à mince virgule Charles. Ouais. C'est ce que je me dis. Sauf que là, il y a une voiture qui passe à fond devant lui, qui lui arrose complètement son costume. On a encore de la peine. Ouais, mais bon, il faut. Mais c'est drôle. Et là, non, mais il faut que les merdes elles s'enchaînent. Ouais, exact, ouais, vraiment exact. Ça. Il marche dans la merde du coup, non? Dans une peau de banane. Et voilà. La fameuse. Il voit une peau de banane, il l'évite, mais du coup il fait un grand pas et il voit pas qu'il y en a une deuxième derrière. Et du coup il tombe. Est-ce que ça vous va? Ouais. Là c'est pas mal. C'est pas du coup mal, ouais. Il va se réjouir dans un bar le soir. Il va oui. Dans un bar. Ouais, il prend un whisky, un truc fort quoi. Ouais, mais je pense qu'on devrait faire intervenir ses enfants avant. Et bah là il appelle son gosse. Il appelle son gosse pour qu'ils mangent ensemble et tout. Son gosse il vient et là il lui explique voilà qu'il se fait virer etc. Et il dit ouais ta mère m'a trompé et tout. C'est une il l'insulte un peu de tous les noms. Ouais. Et je vais laisser les mots les gros mots à mes chers camarades. Et en gros et là son fils lui dit mais de toute façon t'as un raté nanana. Du coup là on remet une couche quoi. Tu t'attendais à quoi? Exactement. Le voilà. Gamin il a 6 ans par contre. Non, son fils il a vraiment 21 ans. C'est un petit con quand même hein, avec un petit Vespa. J'ai du respect pour les gens qui ont des Vespa, attention. Mais tu t'attendais à quoi? Les malheureuses mamans avec toi. De toute façon elle a certainement trouvé mieux. Tu me donnes pas assez d'argent de poche. Exactement. Et il lui dit et en partant avant de partir il lui dit donne-moi 200 balles. Son père il fait mais non t'es fou et tout. Il dit donne-moi 200 balles. On se parle jamais. Et là, son père, comme il a plus rien, il a plus sa femme, plus son boulot et tout, il lui file 200 balles et son et fils. Et après, il se fait voler son portefeuille. Non, on a vraiment de la peine pour lui. Non, mais son fils se casse et il se retrouve comme un con en face du haut bar et il demande des whisky. Et non, pas justement, mal. Dès qu'il commande un whisky, le mec. Non, mais c'est fermé là, faut se. Oh, il est pas mal. Genre, il a pas le temps de se morfondre. C'est vraiment pas du bien. Du coup, là, on a beaucoup de peine. Et ouais, là pour le coup, moi je suis en train de me dire ah, ça se fait pas. Ouais, mais non, moi non. Est-ce qu'il essaierait pas de remonter la pente en faisant un maximum de conneries ensuite? Il va se dire, allez, je vais essayer de. Et là, on a beaucoup de peine, et du coup, il dort, il prend une chambre d'hôtel et tout. Et le lendemain, on voit que c'est un connard parce qu'il commence à mal parler au mec au mec qui tient l'hôtel. Puis il sort dehors, il y a un SDF qui lui demande de l'argent et il insiste un petit peu, mais l'autre il lui parle mal, il le pousse par terre devant tout le monde. Alors bien que et là petit plan sur les têtes choquées des passants, tu exactement. Sais. Exactement. Il y a une mamie qui arrive et qui lui fout un coup de sac. Non mais vous croyez où là? Alors bien que je ne ferais jamais ça évidemment, si j'étais dans la même situation que lui, je pense pas être le gars le plus sympa du monde non plus. Hein. Effectivement. Ouais, mais au pire tu prends une cuite et puis t'en parles plus quoi. Non parce que il lui demande parler de manière un peu fermée, mais tu vas pas. Il lui demande gentiment. Non, mais non, bien sûr, bien et sûr. Le pousse et en fait il déverse toute sa haine et il commence à lui fracasser la gueule. Oh, c'est peut-être un peu excessif. Ouais, c'est pour carrément excessif. En fait, c'était Jean-Claude Van Damme. Mais il a pris de la coke. T'imagines dans Bienvenue chez les Ch'tis, le mec il lui roue de coups comme ça. Oh, il roue dans le nord, salaud. Wow. Mollo. Non, mais là il va falloir qu'on se marre un peu quand même parce que là on a besoin de bonnes blagues. C'est un peu marré. Moi je trouve ça drôle. Hein. Ouais, mais parce mais tu ris que des mais moi, des voir gens, un homme souffrir, ça me fait rire, je suis désolé. Trop plaisir. Okay. Il est où le couteau là? On va la tuer. Pardon, excuse-moi. Wow. Ça fait trop, trop plaisir. Ce n'est pas personnel. Il y a Fren pas très loin, hein. j'ai vu sur les panneaux. Donc, la prison, tout ça. Il va falloir courir vite. On aime la maison d'arrêt. La maison d'arrêt. La maison d'arrêt de Fren. Mais oui, de toute façon, on va marrer. On va se marrer plutôt. Parce que Là, il enchaîne, donc il est à l'hôtel de ça. Ouais, il était à l'hôtel, ouais, ouais. Ouais. Dès le lendemain, il se dit, ok, enfin, il se réalise pas, du coup, il retourne au travail. Et parce qu'il y a un préavis, hein, au final, ça, sur les contrats de travail. Tu peux pas virer quelqu'un, il y a un préavis de 3. On n'est pas aux États-Unis, effectivement. Ouais. Effectivement. Et juste, tout le film, il est sur la bataille juridique pour pas se faire. Non, mais il retourne au travail, du coup, sa boss, elle lui dit, non, mais on veut pas de toi ici. Enfin, tu seras payé, etc. Mais tu reviens. Oh, ça, c'est pas mal. Ouais, merci. Et alors, qu'est-ce qui peut se passer là? Bah là, faut quand même qu'on se marre. Parce que là, j'ai quand même beaucoup de peine pour ce type là. Quoi. Là, ça va être de l'humour de dialogue. Tu vois, genre, il faut qu'il y ait une situation où justement, lui, il revient au travail alors qu'il est pas le bienvenu. Ou genre, tout le monde le regarde bizarre. Gens, justement, il dit, ok, aujourd'hui, c'est un peu le twist, on va dire, du film. Un gars okay, qui va essayer de changer. Je suis gentil, mais il y arrive pas. Ouais. C'est ça, oui. Oh, c'est pas, un peu comme The Good Place. C'est ça, mais pas mort du coup. Ouais, non, sinon. J'ai une idée, ce serait encore plus drôle si au début de film, au lieu que ce soit sa boss qui vient lui dire qu'il s'est fait virer, c'est en mode. L'a trompé. Non, que en mode sa la veille. Boss a baisé sa femme. Il était tellement bourré qu'il a pas reçu le mail ou le courrier de la veille qui disait qu'il était à virer, tu vois. Il arrive au bureau et tout le monde le regarde bizarre alors qu'il a une tête de cul, donc il se dit, ouais, vas-y, tout le monde voit que je suis un peu bourré de la veille. Et alors là, il arrive dans son bureau, machin et tout, il prend son rail et. Sa patronne, elle arrive, elle fait, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes viré, hein? Mais vous êtes viré! Et là, il pète un câble et tout. Genre. Ouais. Ça peut être drôle. Il pète un câble tout seul. Genre, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être drôle. Ça peut être pas mal. Parce qu'il se rend pas compte. Mais là, on est sur la deuxième journée, il essaye d'être gentil. Voilà. Et là, il va remonter la pente. Et là, c'est au moment où on doit se marrer, là, quand même. Parce que là, on a eu beaucoup de peine. Parce que même coup, si c'est marrant qu'il se fasse arroser et qu'il se fasse tromper parce que lui-même trompe, mais là, il va falloir qu'on se marre. Non, mais c'est comment dire, c'est un peu le contraste. On parlait de contraste tout à l'heure sur tous les films qu'on a cités. Et lui, le contraste, c'est un mec odieux qui doit être sympa. Enfin, c'est plutôt que ce soit un pauvre qui va chez riche ou quoi. Au pire, on peut faire un peu un saut dans le temps et genre en mode le seul taf qu'il trouve. Plus tard. Non, pas forcément, mais il arrive à trouver du taf. Mais taf qu'il trouve, c'est un truc où genre il faut être genre hyper gentil, genre tu sais un peu les métiers d'aide à la personne ou quoi que ce soit, parce que plus personne veut de lui. Dans un EHPAD. Ouais, un truc comme non, ça c'est un peu trop extrême, mais genre. Il déteste les vieux. Genre tu sais avec je sais pas des enfants ou dans l'aide à la personne, tu vois. Et en mode lui il est complètement odieux, il sait que faire trader. Enfin, travail à Pôle Emploi. Et là les enfants ils le maltraitent, c'est pas mal ça. Je sais pas, il lui balance des. En fait il sait pas quoi faire parce que c'est des trucs pratiques et lui il était vraiment dans la théorie, des trucs. Vraiment il se dit mais c'est quoi ce métier de. Il essaie de leur apprendre le trading avec des jouets. C'est pas mal. Avec des Legos. Si je vends une brique de Lego à 1,2 fois sa valeur, ça va te rapporter plus si tu la gardes. Ouais, mais le sauf cours que... du Lego me chante. Et mais sauf que voilà, il donne, je sais pas, il aide les petits et puis je sais pas, au bout d'un moment, il donne le biberon peut-être à un petit qui a 3-4 ans et il vomit sur les dessus, genoux. Exactement. ça peut être pas mal. Et après, il glisse sur une peau de banane. Alors par contre, le biberon à 3-4 ans, c'est peut-être un peu trop tard. C'est très tard. Ils ont peut-être du retard. C'est des enfants qui ont du retard. Je vois pas le problème. 3-4 ans, biberon. Ouais, 3 ans quoi. 3 ans. Peut-être un an et demi, c'est grand max. Que vous avez... moi, je le vois bien changer une couche et d'un coup, le gamin, mais il pisse dessus. Mais ne pas savoir le faire. Non, ne pas savoir le faire. Qu'il a jamais fait. Il a des gosses, mais il l'a pas fait. Ouais. Exactement. Voilà. Non, mais j'avais une nounou, moi, pour ça. C'est genre la condescendance du mec. C'est pas moi de faire non, ça. Non, il disait pas j'avais une nounou. Non, j'avais une femme. Tu vois, ouais. Encore plus odieux, tu vois. Non, mais moi, c'était ma femme qui faisait ça. Moi, c'est ça, tu vois, le gars est en train de faire cuire des pâtes parce qu'il est incapable de le faire. Oh oui. Moi, j'étais occupé à trader. Et il appelle sa maman pour lui dire maman, ça va pas. Ça pète pas mal tout ça. Ouais. Ouais. La fin, il meurt. Non, pas encore. Alors, est-ce que non, mais moi, je veux savoir, est-ce qu'on fait une fin heureuse ou une fin malheureuse? Parce qu'on a dit que toutes les fins étaient heureuses. Il faut une fin heureuse. Oui, faut qu'il apprenne parce que le message. Mais attends, là, en gros, là, il est quand même dans la galère. Il a pris en attendant, il a pris quand même un petit studio. Il voit pas. Il essaye de renouer si. Du coup, il se fait un peu chier dessus. On se marre et tout. Bah, littéralement, mais par le gamin avec une couche. Exactement. J'aime beaucoup l'humour, j'aime voir la scène là, vraiment. Et il essaie quand même de reprendre contact avec ses enfants. Ouais. Parce que voilà, il essaie de reprendre contact avec ses enfants. Il se dit qu'il a loupé un truc. C'est un peu le truc du père qui a loupé 15 ans et qui se dit, oh, faut que je rattrape ce retard. Et du coup, il se dit, ah, vas-y, je vais faire ça. Et puis, il y arrive petit à petit, peut-être. Bon, moi, je vois bien un truc, parce qu'il n'y a pas de comédie française sans romance, ou en mode, justement, bah, la meuf qui est, la meuf ou le mec, enfin, la personne qui le recrute pour garder les enfants, genre, qui est, et en fait, genre, au départ, il se dit, mais c'est qui cette folle, c'est qui cette personne? C'est une babosse. Un peu comme dans The Dictator. Oh, oui. Non, mais Cabos. Ouais, je pense exactement ça, en plus. Et au final, bah, il tombe amoureux d'elle, et puis au départ, il pense qu'elle va jamais vouloir de lui, etc., tu vois, parce qu'il est différent. Et au final, à la fin, ils finissent tous heureux, genre, ils vont tous au resto avec la babosse et ses enfants à lui, tu vois. Hein, ça peut être pas mal. Ouais. Ça peut être pas mal, mais je pense qu'il manque peut-être un peu plus d'humour peut-être au milieu de nos trucs. Non ah oui, non, mais de toute façon, ah, là, on va faire les petites scénettes. Là. Ouais. Les petites scénettes. Je le vois bien avec des enfants, genre. Assistant maternel. Non, mais au pire, il enchaîne plein de boulots et du coup, ça donne toutes ouais. les scénettes. Ouais, ça peut être pas mal, ça. À chaque boulot, il apprend un truc, tu vois. Ouais. Genre, avec les enfants, il apprend à la pédagogie ou se mettre à l'empathie, entre guillemets. Pour bosser au Resto du Cœur aussi. Au Resto du Cœur, ouais. la solidarité. Genre chez des bénévoles, même, ils lui font un taf. Tu vois, non, moi je le verrais bien à la SVP. Vous savez, ceux qui mettent les prunes, moi je les aime pas, je les déteste. Hein. Oh oui. Mais c'est pas des flics, contre eux. Et je crois. Non, je crois que c'est des employés municipaux. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit des policiers. Ils ont quand même des uniformes assez proches de ceux des flics. Oui, effectivement, mais ils ont pas de gun. Ils ont pas. Ouais, ils ont pas de. Attendez, SVP. Et ouais, et puis il se fait un peu chahuter parce que bah contrôleur RATP. Personne. Oh, ah. Oh oui. Mais pas le genre en mode. Oui, mais qu'est-ce qui le poussera à enchaîner les jobs? Bah parce qu'à chaque fois il échoue. On le vire à chaque fois. Ouais. Non, mais justement, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal une estime de soi-même. Comment il en arriverait à accepter même? Bah parce qu'il est fauché. Il est fauché. Une scène où sa mère elle refuse de le reprendre chez lui, chez elle. Et du coup, il se retrouve à la rue et là, il a pas le choix. Il doit payer un studio dans Paris parce que il est endetté depuis le début, on peut trouver un truc comme ça. Tout est bloqué, sa carte est bloquée parce que en fait, il partageait les comptes avec sa femme. Et sa femme elle a tout pris. Elle a pris tout l'argent, la bagnole, les gosses, tout ce qu'il faut. Ouais, un type fauché. Ouais, je pense que c'est pas mal. Et du coup, il a pas le choix, il prend la première annonce genre dans le journal ou sur LinkedIn, tu vois. Dans le journal, pas que son nom en 1970. Excuse-moi, hein, mais lui il le fait parce qu'il lit le Figaro tous les matins. Peut-être annonces, valeurs actuelles, valeurs actuelles. Il y a des petites annonces dans les journaux de droite. Oh bah, je pense. Oui, dans tous les journaux, il y en a dans tous les journaux. Mais oui, que oui. Non mais ouais, surtout dans la presse locale, surtout dans la presse locale. Ah ouais, mais après le Figaro c'est pas très local, tu vois. Non, c'est de la presse nationale. Donc dans le Parisien. Le Parisien, c'est plus de la nationale, mais on va pas rentrer dans ce sujet. Non, on ne rentre pas dans le débat. Ne commencez pas avec ça. Non, mais voilà, il cherche des petites annonces. Voilà, il trouve un job, puis ça fait pendant une, deux semaines, puis après il se fait virer. Je pense qu'il faut des petites péripéties, il faut que ça soit. Ouais, avec une longue scène, tu sais. Genre, je vois bien une longue scène où il enchaîne plein de trucs. Où genre, dialogue et des petites musiques. Où on le voit juste galérer, tu vois. Voilà. Mais petit à petit, on voit qu'il commence à s'améliorer, tu vois. Mais c'est un peu le truc, genre, il faut que ce soit, entre guillemets, segmenté par travail, genre il enchaîne plusieurs et vraiment à chaque fois il apprend un truc. Le premier, je suis d'accord. Je sais pas, le premier ce serait, je sais pas, il commence par les gosses. Les gosses. Je vois bien serveur aussi. Oh, oui. Ah oui, piquer de la bouffe. Oh, serveur. Dans les assiettes. Et se faire taper sur les doigts. Ouais. Moi je vois bien une scène. Le respect de. Comment dire de. Enfin, pas le respect, mais genre le. Comment ça s'appelle La notion. De savoir obéir à l'organisation. Les ordres directs. De pas être tout le temps le chef. Tu vois. Oui, je le vois bien donner des ordres à tout le monde. Alors que personne. Genre donner des ordres aux enfants et les enfants, genre, ils jettent des doutes dessus, tu sais. Genre. Et des ordres au chef. Vous jouez au Lego maintenant. Menace avec son gros couteau. Non. Allez, dodo. Et là, tous les enfants, ils sortent du lit, ils lui balancent des mégots. Genre. des mégots, genre. J'ai compris des mégots aussi. Ils éteignent leur clope, allez, dans ta gueule. Allez. Non, par contre, moi, je vois, sais pas si vous voyez, dans le mythe du héros, il y a toujours une scène un peu où il est confronté soit à un peu à pas un gourou, mais quelqu'un de supérieur à lui, où il a un peu, genre, face à un élément qui lui fait se rendre compte de qu'il a besoin de progresser ou qu'il est face à... Un échec, finalement. Voilà. Ouais. Et moi, je vois bien, genre, une scène chez sa psy ou un truc du style, tu vois. Moi, je lui dis en mode, mais... Est-ce qu'il va voir un psy? Hein? C'est un mec riche non, blanc. Non, il va pas voir un psy, non. un aromathérapeute. Non, mais parce qu'il est au-dessus de ça. Il est au-dessus de ça, exactement. Il parle pas de ses problèmes. C'est mais tabou. Il faut qu'il prenne conscience. Oui, mais il va prendre conscience avec la babose qu'il va rencontrer. Ouais. Bah oui. Et qui va lui mettre la vérité. En fait, qui va se dire, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Elle veut dire de parler. Et lui, il va être encore un peu. Non, gna gna gna. Je garde mes problèmes. J'aimerais qu'ils se boivent une 8-6 tous les deux au bar du coin. Oui, et il regarde, il dit, mais c'est quoi ça ? Alors que lui, il est habitué à boire du champagne. Et elle se roule une roulée. Il dit, mais c'est quoi ça ? Mais tu fumes de la drogue. En attendant, il se confie. Il est un peu surpris parce qu'elle lui rentre un peu dans l'art, je pense. Tu vois, aucune femme. Et peut-être qu'elle essaye de le. Elle lui résiste surtout. Lui, d'habitude, avec l'argent, il a un peu tout ce qu'il veut. Et là, il doit faire sans argent. D'habitude, il arrive au bar, il offre des ruinards, des coupes de ruinards. La go, c'est Zazie, quoi. Non, c'est pas Zazie. C'est pas son argent qui fera son bonheur. C'est juste qu'elle est pas attirée. Enfin, elle est pas attirée. Je dis pas que certaines personnes soient attirées par ça, mais voilà, elle est pas du tout dans ce monde-là. Elle est dans le don de soi, elle est dans le partage, elle est dans la bienveillance. Et lui, en fait, il lui pose la question, mais pourquoi tu fais tout ça alors que t'es payé une misère ? Elle lui dit, mais. Exactement. Tu sais, genre. Et elle est là en mode, mais t'es complètement con, genre l'amour, ça n'a pas de prix. Bonheur, c'est pas, l'argent, ça ne fait pas moi, le bonheur. Moi, ça me ferait énormément marrer que ce soit elle qui change à la fin du film et qu'elle devienne de droite. Et là, c'est pas mal. Et qu'elle commence à se trader. Et qui rachète la banque. C'est ça la crypto-monnaie, c'est trop bien. Et après, plus tard genre, il voit son ex-boss et la babos ensemble en train de se pécho et genre en mode, elle travaille ensemble, elle s'est fait plein de thunes ou alors elle a repris son poste, tu sais, genre. Elle a appris plus vite que lui. Elle a des meilleurs chiffres que lui alors qu'elle fait tout au pif. Exactement. Ah, mais le ça trading, peut être pas mal en soi parce que tu vois, il commence à vivre une idylle, etc. Et il lui apprend des petits tips du niveau du trade et tout. Et là, elle lui pique tout. Ouais, mais tu te dis en soi. Il est misérable. Ça fait de elle la connasse. Hein. Ouais, et puis c'est plus une comédie populaire. Il faut qu'à la fin du film, il se fasse un petit bisou, tu vois. Ouais. Et qu'il lui sorte une vanne du style. T'as changé de tabac ? Du New Amsterdam ? Putain, tu fumes des gauloises. Ah, t'as pris de la DSP au lieu de la 8-6 ? Oh, pas mal. Mais ouais, faut qu'il soit habitué à son monde, à elle. Il faut une scène où limite, elle lui force à mettre un sarouel, quoi. Non, mais sinon, elle lui dit... Oui, c'est ma taille, trop bien. Elle lui dit, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Lui, il dit, bah, rien, je vais rentrer à mon appart, me faire des pâtes. Enfin, voilà, mine un peu triste. Elle dit, ben non, viens et tout, je t'emmène voir des amis. Il se dit, ouais, ok, t'es sûr. Et là, il arrive dans un monde qu'il connaît pas. C'est-à-dire, c'est un monde où je sais pas, il arrive dans un univers, un truc un peu intemporel. Vraiment, il monte un des PMU. Escaliers et tout. Non, il monte des escaliers dans un bâtiment un peu désaffecté et là il se retrouve sur une terrasse avec genre plein de gens qui. C'est donc ça vos rooftops ? Exactement. Et là il se dit, mais attends, mais qu'est-ce. Il voit des gens qui font des potagers et tout, on est dans le cliché, je sais. Ah bon, la permaculture. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est ça et tout. Et là il discute avec des gens, il comprend pas ce qui se passe quoi. Il est un peu perturbé par cette soirée-là, il a pas trop envie de revoir cette meuf-là, peut-être, tu vois, là, c'est un petit twist. Mais à la fois, il s'est bien entendu avec ses potes, genre en mode, il a quand même, il faisait semblant, mais en fait, il a rigolé, tu vois. Ouais, on le voit. C'est des babos, mais des bons babos. On le voit le soir, qui est sur son téléphone, et il dit, putain, c'est quoi ça, permaculture, toutes ses recherches. Ou genre, tu sais, il lui explique ce qu'ils font, et genre, lui, il fait genre, oui, mais en fait, on comprend, genre, qu'il a rien compris, genre, qu'il est complètement largué. Il essaye de parler de trading ou de trucs, mais sinon, tu t'es mis en bourse un peu. Et là, il dit, mais qu'est-ce que vous vendez combien ? Qu'est-ce que tu penses de la chute du bitcoin ? Vous avez combien d'actionnaires là-dessus ? Vos carottes, vous les vendez combien au kilo ? Ouais, parce que là il y a un vrai projet, je pense. Hein. Ouais. On tient quelque chose. Quoi, elles sont à 2,49€ le kilo, mais donc, moi je les achetais 5€ à l'époque. Putain, elles sont bio en plus. Waouh. J'adore. Comment vous faites ça? La nature, vous dites? Mais et à chaque fois, eux ils lui parlent de trucs, genre de problèmes de société et tout, genre montrer qu'ils sont un peu déconstruits et lui fait. Oui, bien sûr, oui. Oh, ça va. Non, mais il rebondit pas. Je fais ouais. Ou alors une scène où il serait complètement silencieux et genre en mode où tout le monde parle autour de lui, a l'air hyper passionné et tout. Et genre, t'as lui en plein milieu, en costume, genre complètement décalé de manière vestimentaire. Ouais. Et genre, il est là en mode mais putain, mais qu'est-ce que je fous là. Ah, mais c'est pas mal. Tomber la veste de costume. Avant d'aller là-haut sur le rooftop à Bobigny, il est en costume parce qu'elle lui dit je t'emmène quelque part ce soir. Et lui, il s'attend à un opéra. Un truc stylé, quoi. Pas un opéra, mais un truc stylé. Il se dit, et en fait, il arrive et tout. Il la voit débarquer. Elle est normale avec, je sais pas, un jean, des treillis et je sais pas, voilà, une veste tranquille. Et lui, il s'attend pas à ça, quoi. Genre, déjà, elle se fout de sa gueule quand elle voit son costume. Elle dit, mais t'as cru que je t'emmenais où, là? Non, mais elle rigole. Le pingouin. Elle rigole, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle dit, non, mais t'inquiète. Et là, il débarque et il comprend très vite qu'il se fait prendre un peu pour un con. Enfin, en tout cas, il est habillé un peu. Et justement, il enlève sa veste. Il dit, non, mais j'avais froid. Au fil de la soirée, ouais, il l'enlève un peu. Il fait tomber là, tomber la chemise. Ah. Oh non. Si. Si, c'est très fort. Si, si. Moi, j'adore. Ouais. Bah, évidemment. Je valide. Merci. C'était un bruit très intéressant. Ouais, pour les fans. C'est un bruit de chaîne. Les fans d'ASMR. Les fans d'ASMR, ils adorent ça. Et alors, du alors coup, comment ça se finit cette histoire? Bah après, là, il est un peu déboussolé. Faut qu'il y ait quand même un dernier truc avant que. Oui, avant. Ouais. Parce que là, il dit oh, ok, on est vraiment. Ses enfants. Il faut une scène avec ses enfants où oui, en mode il pense que. Ses enfants, ils rencontrent la meuf. Ils disent mais elle est trop bien. Ouais. Non, il y a un enfant qui. Qui, je sais pas, il commence à reprendre contact avec son père et en fait il le voit travailler, je sais pas, peut-être tu vois, au resto, on parlait des Restos du Cœur, ouais. Un truc ouais. Un peu caritatif. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait et tout. Mais tu m'avais dit d'être gentil. Et lui, il est surpris de voir son gosse au Restos du Cœur. Il se dit, mais je t'avais pas donné 200 euros, mais c'était pour la drogue, papa. Tombé dans la cocaïne à cause de toi. Donc, ouais, mais là, ils ont vraiment pas de chance, cette famille. Quand même. Ouais. Non, mais je vois bien une scène où justement, ses enfants qui s'attendaient à ce qu'ils soient plus gentils, bah en fait, lui, il est content de ses efforts et il se considère comme plus gentil. Et en fait, ses enfants, genre, ils se foutent sa gueule en mode, mais tu croyais qu'il fallait que tu changes une ou deux trois couches pour qu'on te reprenne et tout, mais t'es complètement malade, nanani nanana. Et au final, après il y a la scène où justement il le voit au Resto du Cœur, tout penaud machin et tout, parce qu'il s'est fait tu vois, je sais pas si ouais, ça te parle, ça vous parle ou pas? Ouais ça me parle, mais je sais pas, j'aurais aimé que les enfants soient fiers de lui, mais en même temps c'est peut-être un peu trop facile. À la fin, ouais, il faut une grosse happy end. Ouais. Ah, il s'est enfin trouvé une babose. Exactement, voilà, même sa femme est contente pour lui. Mais tu vois, genre je vois bien une scène où genre il dit mais je vous promets, je me suis amélioré, et au final en fait il foire tout, tu vois. Et ses enfants disent mais comment ça t'a changé, maman elle a bien fait te quitter, nanana, elle est beaucoup mieux avec ton. C'est vraiment sévère de la part des gosses de dire ma mère a bien fait. Non mais un peu dans ce style, tu vois. T'as pas été là pour nous et là t'es là pour les autres, machin et tout. Tu crois pas que c'est trop tard? Ben, c'est pas mal, ouais. Tu vois? Et après, par le hasard des choses ou je ne sais quoi, genre en mode elle passe devant une vitrine et elle voit son père en train de faire ça, ou elle fait la une d'un journal. Est-ce qu'on pourrait faire une scène où ils sont pas en thérapie de couple, mais genre ils vont voir un psy parce que les enfants, il a des enfants un peu plus jeunes que le gars de 21 ans. Okay. Et du coup, ils sont tous, il y a, on va dire, trois gosses. Voilà. Et ils sont réunis, les trois gosses et les deux parents, et ils sont devant des psys. Parce que, je sais pas, des fois dans les séparations, ils vont voir des psys tous pour dealer avec la séparation, surtout pour les gamins. Je sais pas, la psy dit non, mais de toute façon, ils se séparent, mais on vous demande pas de choisir entre votre père et votre mère, vous pouvez pas choisir. Et là, les enfants, ils disent c'est maman, c'est direct, c'est maman. Il y en a qui disent mais de toute façon, il n'y a pas de choix, c'est maman. Quoi. Papa, il est nul, c'est maman, en mode direct. Mais après, tu vois, il n'y a pas cette question qui se pose, parce que si ses enfants, ils sont majeurs. C'est maman, c'est comme ça. Ah, on est bien. Et genre, non, mais même bon, pas. Bah, c'est réglé. La psy a fait. Ah, c'est réglé. C'est même bon. Sans dialogue, genre, tu vous vois. Aussi, hein. Genre, même sans dialogue, tu les vois, ils se tournent tous vers leur père, mais genre d'unisson, tu vois. Genre, vers leur mère, d'unisson, tu vois, en mode, ils tournent tous vers terre, vers maman. Genre, voilà, c'est ça. C'est maman. Mais du coup, il est quand même complètement déboussolé, quoi. Il est, ouais. Il est au fond ouais. Du. Et du coup, il va se plaindre auprès de sa babo. Ça lui dit, t'inquiète, je t'emmène quelque part ce soir pour te changer. Ah, les c'est idées. Là la scène. Voilà. Et c'est là qu'on met la scène sur le rooftop avec la permaculture. Sur le rooftop permaculturien. Exactement. Et du coup, concrètement, comment ça se termine? Parce que là, on voit qu'il y a ça. Est-ce qu'il y aurait une scène avant la fin? Ah, il nous faut le climax quand même. Ouais. Il faut qu'il monte. Déjà, cette scène l'annonce bien, le petit climax. Mais là, il faut que ça. Ouais. Ça grappe encore là, un échelon. Il voit qu'il peut être heureux avec pas grand-chose. C'est ça, ouais. Ouais, parce qu'il a passé une super soirée. Ouais, justement, ouais. Il est en mode. Franchement, vous êtes mieux que mes gosses. Et là, au travail, il perd un peu son attitude de mec qui sait mieux que tout le monde. Il est super sympa, machin et tout. Et il commence vraiment à s'investir, mais pour lui-même. On voit qu'il s'est renseigné un peu. Oui, la permaculture, oui, quand tu fais pousser les choux à côté des carottes. On voit plusieurs scènes où tu le vois les mains dans le cambouis avec les carottes, machin, je sais pas quoi, tu vois. Dans le cambouis des carottes. Exactement. Parce qu'ils font du biocarburant, ils sont quand même un peu de droite. C'est ça. Et alors, et des petites scènes où en mode, on voit qu'il y a une certaine forme de tension sans jamais montrer de sexe, bien sûr, parce qu'on est au cinéma français, avec la babos qui mérite un prénom d'ailleurs. Comment on l'appelle ? C'est vrai. Clara. Non. Non, pas assez. Vous avez un prénom quand même. Ouais, ouais, bon, Clara, on va l'appeler Clara, Clara alors. Ça peut être une fils de bourgeois qui, justement, ah, qui se refoulait. Ouais, mon père était trader, je ne sortirai jamais avec un trader. Bah, souvent, souvent c'est de, ça. De se rebeller, ouais. Il y a beaucoup de... Ouais, ouais, ouais, ça peut être ça. C'est le fils. Mais Clara, c'est pas mal, on se voit Clara. Clara, c'est pas mal. C'est un peu passe-partout. Et avant, en fait, elle s'appelle Clara, mais avant, elle s'appelait Augustine. Non, Jonquille, justement. Jonquille, Jonquille. Et Clara, c'est son deuxième prénom. Et là, il lui offre des jonquilles et elle lui dit c'était mon comment t'as deviné, c'était mon ancien prénom. Comment t'as deviné? C'était le nom de ma mère, de mon père. Elle fond en larmes, c'est ça. Elle pleure la pauvre. Et ouais. Et alors là. Près de l'insulte. Sa vie commence à aller mieux, mais ses enfants lui manquent. Genre en mode, il a des photos sur son bureau et tout. Il voit ses enfants. Il a oh, j'aimerais bien. Il est en vue sur iMessage et tout machin. Et là, d'un coup, il fait un truc, etc. Genre. Il les invite quelque part pour un anniversaire. Non, même pas, mais genre en mode, faut que ce soit un peu genre ses enfants qui tombent sur lui, tu vois. Ah oui, bah là, c'est un resto du cœur. Et que là, genre. Mais, dans un restaurant. Travaille au Biocop d'à côté. Ouais. Non, mais un truc hyper significatif. Genre en manif, tu sais, genre en manif. Il le voit à la télé en première ligne d'une manif. Une manif sur la micro-taxe de 0,1% sur les. Comment ça s'appelle là les... transactions financières. Ouais, un truc comme ça. Un genre, ça rapporte des milliards et tout. Et alors là, il se dit, mais papa, t'as vraiment changé, genre. Et là, il dit. Et là, il le rappelle. Il les emmène sur le toit de la permaculture. Il leur montre. Vous voyez, ils boivent toute une huissière. Tout ce qui est dans la lumière sera un jour à vous. Si vous faites du trading. Ils boivent tous une 8-6 ensemble. Une petite bud. Exactement. Et à la fin, il a un bisou avec Carla. Voilà. Ouais, c'est plutôt une fin heureuse. Ouais. Ouais. Mais du coup, ce qui serait bien, c'est quoi la permaculture soit pas très loin aussi de la défense où il travaille avant. Ouais, où il voit les tours. Et voilà la mélancolie. Un peu. Ouais. J'ai une idée. Imaginez la permaculture, elle est menacée parce qu'ils veulent la casser pour construire un building de trading. Oui. C'est pour ça. Et c'est grâce à lui. Voilà. C'est grâce à lui qu'il l'a construit. Okay, pas et c'est pour ça qu'ils l'ont vu au manif justement. Exactement. Ouais, ils l'ont vu à la télé même. La construction de ce building. Ils l'ont vu à la télé. On tient. Mais t'es viré, mais t'es encore avec nous. C'est fort ce que tu fais. Mais non, je suis contre vous. Et là. Genre il est enchaîné un arbre ou un truc comme ça. Genre. C'est un peu comme dans Fatal, le clip de Music. Et il va chier dans son jardin à la fin. Ouais. Ah oui, effectivement. Ouais. Toujours la merde, on en revient toujours à la merde. Oui. Bah, c'est cinéma français. En même temps, il y a plus de caca que de sexe dans les films cinéma. C'est ce qui fait rire en même temps. Voilà. Les films français. Ça rapproche. Non mais du coup la fin est plutôt heureuse parce qu'il devient... Bon, dire qu'il devient à gauche, peut-être qu'il garde encore sa racine. Mais il vote centre-droite maintenant. Ouais. C'est déjà pas mal. Il ne vote plus pour Le Pen. Il y a une petite évolution quand même niveau trading. Non, lui c'était plutôt un fioniste, Le Pen. Ouais. Non. Lui plutôt dans la fiscalité, c'est des choses qui l'intéressent. Macron. Il vote Macron, c'est sûr. En 2022, il aurait voté Pécresse. En tout cas. Ouais. Ouais. Bonne analyse. Oui, non, d'accord. Je suis d'accord avec. Comme Gims. Je trouve que ça m'arrange de le placer. Ok, ouais. Ça balance des. Effet d'actualité. Si vous l'écoutez un an après la sortie, ça n'a plus aucun sens pour vous. Mais ouais. Toi aussi, tu vas continuer à nous emmerder en restant dans l'actualité. C'est ouais. Petite... Ah, c'est de la. Ah, pas mal. Okay, ça m'insulte ou c'est de l'actu, je sais pas. Excuse-moi. C'est un peu les deux. Il commence à passer un petit peu en mode plus humaniste, truc comme ça. Ouais, c'est ouais, ce genre de valeur. Ouais. Oui, en fait, il a un moment où justement, il faut qu'il ait un doute. Tu vois, genre le doute à la fin où est-ce que je peux me faire reprendre dans mon ancienne entreprise si je les aide à détruire la permaculture. Oui, c'est ce qu'il lui promet. Et il hésite et du coup, il fait le choix de la raison. Exactement. Et la babos, elle lui dit mais quoi, comment ça, tu veux détruire nanani nanana. Tu sais, genre il s'engueule. Sur un cliffhanger. Voilà. Elle l'engueule en mode. Dans le 2. Genre viens pas que tu fasses ça, machin et tout. Et au final, au dernier moment, genre une scène où il court un petit. Il y a toujours ça dans les films un peu dramatiques. Il y a sa boss à gauche et sa Clara à droite. Ouais. Et il doit choisir entre les deux. Arrêtez tout, ça suffit. Mais là, c'est on peut pas faire un compromis, un petit bâtiment. Et à côté, on fait des légumes. Ou alors, on fait des légumes en rooftop. Hors sol. Et le titre du film, d'ailleurs. Ah, effectivement. Ah, bah oui, c'est vrai que bah, la banane. La banane. Ce sera le titre de l'épisode, donc vous l'avez. Mais nous. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme Bah ça parle de briques, ça parle de briques et de Brocante. Et oui. Non. De Brick et de 8,6. De Brock et de Brick. 8,6% Oh, le Dow Jones, voilà. Je voulais caler un mot. Non, non, il nous faut. Cacarotte, hop là. Cacarotte, très bon. Si, bah si, non, mais il n'y a pas de débat. Cacarotte. Oh, c'est pas mal. Cacarotte, c'est pas mal, ouais. Mais. Non, mais allez. Peut mieux vas-y. Faire. Oui, mais voilà. C'est, on a déjà un bon truc. Cacarotte, je vais dire. Cacarotte, ouais. Ce sera le titre officieux. Ouais. Un peu comme Asia Valley of Cool et le volcan. Oui. Il faut trouver un vrai titre. Ah, ok. Cacarotte, point d'interrogation. Cacarotte. Descente au chômage. Descente au chômage. Attends, j'aurais pensé à un truc sur La Chute, mais il y a déjà un film qui est très bien d'ailleurs là-dessus. Ça s'appelle La Chute. Ça s'appelle La Chute. C'est pas le même sujet. C'est pas du tout le même sujet. C'est un peu moins sympa. Il y a une chute. Effectivement. Non, mais. Un jeu de mots. Ah, on est très jeu de mots dans cette émission. Hein, donc, il nous faut de la brique à la terre, non. Ou sinon du. Parce qu'il était au top. Donc. Oh putain. Rooftop. L'ange déçu. Ouais, moi je propose un truc hyper original, la tour infernale. Ouais, allez, La défense d'entrée, parce qu'il travaille à la défense. Attends, défense. Non, mais un truc avec la défense ou une tour, j'aime bien. Défense d'entrée, genre. Très dingue. Oh, j'adore. Très dingue. Ou sinon, un jeu de mots avec Zad. Très dingue, c'est pas mal. Très dingue, c'est vraiment une zone à française de merde. Zone à déconstruire. Zone à déconstruire. Moi, moche et gentil. Très dingue, c'est plutôt pas mal. Moi, j'adore très dingue. Très dingue, c'est bien, ouais. Mais écrit genre vraiment très dingue, genre le trait de très beaucoup. Ouais, très dingue. T-R-E-S. Ouais, c'est très marrant. C'est validé. Ouais. Très dingue, c'est pas mal. Moi, je valide très dingue. Je valide. Ouais. C'est très dingue comme titre. C'était vraiment. Très dingue. Très dingue. Bah, moi, je voulais dire. Dinguissime. C'était dingueo. C'était dingo. Voilà, c'était très très bien. Moi j'ai beaucoup aimé cette petite histoire qu'on s'est inventée, en plus de la discussion qui l'a précédée. Je pense qu'on peut dire au revoir à nos auditeurs. 1h44, j'espère que votre trajet en bus ou en train ou quoi que ce soit s'est bien passé si vous l'écoutez. Et que vous avez bien rigolé. Et oui. 1h44 de trajet, et bah. Non, mais tu l'écoutes en deux fois. C'est fort. Non, mais ça existe. Ils ne vivent pas tous à Saint-Germain-en-Laye avec notre cher Charles. Hein. Ils ne prennent pas tous des Uber. Sur votre trajet jusqu'à Rennes. Sponsorisé par la SNCF. D'ailleurs, le train 843-17 arrive en gare. J'allais faire la vanne, j'adore. En fait, ce n'est pas un podcast, c'est quelqu'un qui vous parle depuis le début dans votre oreille. Non, ceci n'est pas un podcast, c'est un contrôle de police. Oui, la RATP, bonsoir. Ok. Merci, non, bah du coup, ceci était vraiment en finale un podcast. En vrai, on va arrêter de leur mentir, ouais. C'était un podcast. Ouais. Oui. Et j'espère que c'en était un bon. Un petit mot de la fin. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Peut-être deux mots de la fin, je sais pas. Personne. Si, avant de dire au revoir, je conseillerais trois comédies parce que on a un peu tapé dessus, mais je conseillerais trois comédies si vous ne les avez pas vues. Je dirais bien sûr La Folie des Grandeurs, bien sûr, qui est une comédie. Je vais mettre trois comédies différentes dans différents temps. Donc La Folie des Grandeurs. Ouais. Après, je partirais sur Les Bronzés 1 si vous l'avez pas vu. Ouais. Tout le monde connaît Les Bronzés font du ski, mais Les Bronzés est quand même plutôt pas mal. Et puis en troisième, un peu plus récent, qui pourrait être marrant. Non, pas Les Tuches 4. J'aurais allé dire Les Tuches 1, mais je dirais tout simplement, mais je pense que tout le monde l'a vu, bien sûr, Bienvenue chez les Ch'tis. Oui. Bah oui. Et oui, évidemment. Trois très bonnes recommandations. Merci Arthur. Mais pour de cette rien. Chronique. Philippe. Alors, je trouve qu'on s'est bien fendu la poire ce soir avec notre petit trader très dingue, comme on peut l'appeler. Et On s'est retourné du ciboulot. Et pour rebondir sur ce que vient de dire mon collègue, j'ai aussi trois bonnes comédies à vous recommander ce soir. Toujours avec De Funès, évidemment, regardez Oscar, qui est très très drôle. Validé. Qui est très très drôle. Plus récemment, Play avec Max Boublil, qui est excellent, je trouve. Ok. Et sinon, le meilleur de tous, hein, la classe américaine, évidemment, d'Azanavicius. Ah, bah oui. On ne peut alors pas faire mieux. C'est pas exactement une comédie. Enfin, c'est pas un... C'est très spécial. C'est spécial, mais qu'est-ce que c'est marrant. J'ai jamais vu un film qui lui ressemblait. C'est un peu c'est ça, vrai. Sa force, ouais. Je trouve. Moi, je ne l'ai pas vu et je le verrai. Du coup. Il est excellent. Il, est très, il faut aimer la réplique. Ouais. Ah, c'est que de la réplique. Il n'y a que ça. L'histoire est drôle, mais... Ouais. Angéline ? Moi, je vais vous quitter avec un de mes films préférés, un de mes films de mon enfance, bah, c'est Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Bien sûr, évidemment. Et sinon, un peu pour un peu redorer le blason de la comédie française sur laquelle on a pas mal craché depuis le début de cette émission, je vous conseille de regarder LOL. Donc, ce n'est pas un film, mais c'est une émission de télé-réalité où justement le nouveau gratin et l'ancien gratin, avec notamment Gérard Jugnot, de l'humour français, s'est réuni sur un plateau. LOL, et ça s'appelle ? Ouais, LOL. Pas et le film. Oui, comme le moi, film. Je pensais non, au film. Pas comme le film, excusez-moi. C'est une émission qui est sur Amazon Prime. D'accord. Et que je vous conseille vivement parce que ça m'a beaucoup fait rire. Donc, on a du coup. C'est présenté par Philippe Lachaud. Et en fait, c'est justement Alexandra Lamy, Gérard Jugnot, etc. Et l'objectif est de ne pas rigoler. Alors, tu mets que des humoristes dans une pièce. C'est un essayer de ne pas rire géant. de ne pas rire, mais de faire rire les autres. Et c'est vraiment tordant. Enfin, c'est qu'un enchaînement de blagues et on. C'est vraiment très bon. Mais du coup, avec cette belle recommandation, tu peux nous vendre tes codes de Amazon Prime de suite. Non, désolé, je n'ai pas les codes Canal. Les codes Canal aussi, n'oublie pas. Est-ce que tu aurais des codes Canal? Moi, je ne vais pas vous recommander trois films, je vais vous en recommander un seul. Et c'est déjà beaucoup. J'en ai pas, en fait. En fait, on a tellement cité de films que je ne saurais pas en isoler un. Si, bah si, en fait. Bien sûr que si. C'est Mais qui a tué Pamela Rose? Le 1 et le 2. Regardez les deux. Parce que il faut avoir vu le 1 pour voir le 2. Enfin, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Et le 2 est, pour moi, une comédie absurde très, très, très, très drôle. Brisage de quatrième mur. Cadmerade au sommet de son art. Désolé de le dire comme ça. Hein. Et d'ailleurs, Olivier Barou, qui est son acolyte, qui est le réalisateur de Tous les Tuches. Effectivement. Quand j'ai appris ça, j'étais en mode. Olive, attention. mais j'adore ce qu'il faisait Cad Olivier Camelot, tout ça. Ouais. On connaît. Hein. Ben oui. Mais voilà, l'ordre de film. Et c'est tout, voilà. Et j'espère en tout cas que déjà vous allez voir nos films parce que il y aura une fiche de lecture à la fin de la semaine. Et voilà que ça vous a plu cette petite aventure dans la comédie française. Dans la vie de Charles. Dans la. La vie de Charles. Très dingue. La vie très dingue de Charles. Très dingue. Très dingue. Au revoir. À bientôt sur les plateformes. Et puis voilà. Je sais pas comment finir. Mais ciao. Ciao, ciao. À bientôt. Bisous. Portez-vous bien. La bise. Prenez soin de vous. S'il vous plaît. Moteur. Moteur. C'est beau, une ville qui dort. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Parce qu'on vit la nuit. On peut faire des films avec n'importe quoi, hein. Nous avons transformé mon scénario en film pornographique. Moteur ! Allons-y ! Moteur ! Oh putain, moteur !